Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le bureau d'aujourd'hui, Assemblage requis. Ingrid Arneberg nous parlera de la pression sociale de fonder une famille dans la course au trésor. Stéphanie Paradis survolera avec nous le plus récent numéro du journal Zone Campus et Lily Brunet-Saint-Pierre et Sébastien Dieu nous feront leur chronique d'opinion respective. Assemblage requis commence, mais... Bonjour et bienvenue à Assemblage Rocky, émission matinale en pièces détachées. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Oui, on t'en dirait des studios de Six Fois à Trois-Rivières en ce mercredi 30 octobre 2013. Oui, monsieur. Oui, le jour avant l'Halloween. Le jour. Je pense qu'on n'a pas parlé une seule fois cette semaine d'Halloween. Oui, c'est vrai, mais on en a parlé la semaine passée. Ouais, on est à l'avance. Hein. On est comme des... On est visionnaires. Des hipsters, c'est ça. Tu sais, assez fou, on est même avant les autres. Ben, ouais, c'est ça qu'ils disent. Ouais. Donc, aujourd'hui, à l'émission, on va avoir... À 8h, Stéphanie Paradis pour sa chronique Zone Campus. On parle du volume 9, numéro 5, celui avec la pyrotite sur la couverture. Donc, on va en parler avec elle. À 8h30, Lily Brunet-Saint-Pierre et sa chronique L'aplomb dans la tête. Elle écrit une lettre à Trois-Rivières. Elle dit, Trois-Rivières, va falloir qu'on se parle, là. Faut qu'on se parle. Dans ta jambe. Tu n'auras pas de dessin. Ensuite de ça, à 8h45, Sébastien Dulude. Il va voir ailleurs, j'y suis. Très trash est son sujet d'aujourd'hui. Très trash. Et puis, à 9h, on fera 5 semaines, ça devrait répondre là. Oui. Par les gadgets inutiles. Yay. Il y a pédou balai, bidou bidou bidou daidou. Hein? C'est le... Ouais. Mais on va débuter tout de suite, dans quelques minutes, en fait, avec Ingrid Arneberg. Juste après une pièce de June in the Fields, tu vas nous parler tantôt, Ingrid, de la pression sociale de fonder une famille. Oui, effectivement. Il y a beaucoup de pression socialement pour fonder cette dite famille. Ben, disons que c'est juste, c'est vu particulier si tu fondes pas une famille. Si t'es une femme et que t'as pas le désir d'avoir un enfant, pour plusieurs, ça, c'est particulier. Donc, c'est de ça que je vais jaser. Exact. Et par rapport à l'âge aussi, j'imagine plus il y a un âge seuil, un âge, mettons, qu'il faut absolument que tu aies un enfant avant tel âge, non? Ben, la fenêtre sociale, c'est 27-32, ou okay. Est-ce que c'est acceptable? T'es pas trop vieille, t'es pas trop jeune. Mais c'est vraiment plus, je veux pas d'enfant, et est-ce que je suis stigmatisée en faisant cette affirmation-là? OK. Mm-hmm. C'est ça qu'on parle. On en parle dans 2-3 minutes. Avant ça, on écoute June in the Fields, nouvel extrait du palmarès anglophone, où qui faisait leur lancement hier à la cathédrale à l'église Saint-James. Saint-James, exact. Donc voici Hanumansi. Hanumansi. C'est Hanumansi. C'est dur à dire. Hanumansi. Ouais. Je me sais même pas. Hanumansi. Je me sais même pas. Non. En revenant. Okay. Tu me laisses me planter. Ouais. Pas parce que mon nom c'est Mathieu Plante que. Bon, on s'amuse. Bonne émission. Sunshine like diamonds on the Andaman Sea. Behind the mountains, it is fading slowly. Purple, orange, and blue, the colors of my heart. It's good to be part of it now. It was needed to be free a little time on my own. What I had to find, I could only find it alone. But now it's good, I've solved it out. Now it's good, I can say it out loud. Don't really need to say it out loud. There's still a part of you shining on my soul. Must apologize if I left you alone on the road. There's still a part of you shining on my soul. All you've learned to me is much more precious than gold. Slowly, just take my hand. teach me how to surrender. I believe our love it could grow deeper. It was needed to be free, sailing towards the shore, a little older and wiser than before. Something's waiting for me, and I know I own the key. Well, I know I own the key. And there's still a part of you shining on my soul. Must apologize if I left you alone on the road. There's still a part of you shining on my soul. All you've learned to me is much more precious than gold. Alone, but never alone with you and all I do. Alone, but never alone, it's true. Alone, but never alone with you and all I do. Alone, but never alone, it's true. Alone, but never alone with you and all I do. Alone, but never alone, it's true. And the Man Sea de June and the Field. T'as-tu vu ça comment j'ai bien eu? Wow, mieux que moi tantôt. On dirait pas qu'il vient juste de le dire. Coquin. Ah, tu vois, c'est, on a compris le message. Voilà, c'est ce qui est important. Ah, c'était June in the Fields sur leur nouvel album qui se nomme Big Plans, si je comprends bien, ou juste June in the Fields, je pense. Moi. Ah, maintenant, on passe à Ingrid Erneberg. Voici la chronique La course au trésor. Poupou, poupou. Bon matin, Ingrid! Bon matin! Ah ah, ça va? Oui, vraiment. Oui, passe une belle nuit. Son cours dernièrement. elle m'écrit, genre, elle me fait un commentaire, je change ma photo. Tu sais, je me suis fait avoir par l'histoire des girafes sur Facebook. Là, oui. Et j'avais changé ma photo pour une girafe. Là, à genre 1h du matin, je sais pas trop quoi, je change ça pour un Mario Bros. T'sais. Là, elle m'écrit, hey, c'est parce qu'il est tard, t'as l'émission de matin. Ouais, ça me change quelque chose. Mais je partage dernièrement, minuit, c'est 4h. Ouais. Mais un bon 4 heures, ça. On dort bien dans ces... Non, pas ça. Donc, la course au trésor, qui est la chronique où on parle de parents, enfants, les trucs qui se rattachent à la famille. Effectivement, on parle de ça. Et aujourd'hui, c'est... De ça. De... That's what it's all about, yo! Yo! Tu sais, j'essaie d'avoir du street cred. Exact, c'est de l'affaire, ça. Aujourd'hui, c'est la pression sociale d'avoir un enfant. Alors, est-ce que vous pensez que dans notre société, c'est bien vu pour une femme de dire à 35 ans, « Non, mais moi, j'en veux pas d'enfant, là. » J'en voudrais jamais. J'en voudrais jamais. Coupe-coupe les trompes, là. Je trouve ça correct. Moi, c'est une décision. T'es pas obligé d'avoir un enfant. Voyons donc. Oui, mais est-ce que tu t'appelles société? Ben, je m'appelle pas société. Et si je parle seulement de la société, j'avoue que, ouais, sûrement, ça doit être mal vu. Parce que c'est comme, faut que t'aies un enfant tout le temps avant d'être trop vieille pour plus pouvoir en avoir, genre. Effectivement. Mm-hmm. Puis tout est fait pour la famille. C'est ça, des fois que tu le regretterais, mettons que tu dépasses l'âge limite, tu le regretterais là. Et tu vas le regretter plus tard. Oui. Mais vous venez de sortir tellement les deux arguments qui sont souvent mis de l'avant. Un, la famille, c'est tellement important. Tout ça est va fait te rendre pour... heureux. Mais tout est fait pour la famille. Vraiment, oui. Ça, c'est t'as vraiment raison là-dessus. Les grands-parents insistent que leurs petits-enfants et les enfants, puis tout ça, ou leurs enfants. Écoute, t'as même pas de jump, puis quand est-ce que tu m'as fait un? Quand est-ce que tu m'en fais un? Oui. Ben, va-t'en dans ta chambre, moi, tu suis. Ah oui, grand père. Insiste pas trop, parce que sinon, non. Ah oui! Mauvais goût. Non. Insiste pas là-dessus. 7h42 ce matin, boum! Merci, je suis pas à l'aise que ça soit dans ma chronique. Okay. On va la faire à l'extérieur de ta chronique, on remet l'intro. Oui. Mais non, pis t'as effectivement raison de Mathieu quand tu dis « Oh, que tu le regretterais, blablabla. » Oui. Donc, c'est vraiment des arguments qu'on va entendre souvent. C'est pas valorisé dans notre société être une femme et de dire je ne veux pas d'enfants. Souvent on va les comparer par on va les prendre pour des féministes vraiment genre extrémiste, ouais. Genre aller pousser le concept jusqu'au bout. Et c'est pas ça, en fait. Là, c'est vraiment cette absence de désir d'enfant qui ouais. est là. On avait déjà parlé dans une chronique précédemment, le désir d'avoir des enfants et tout. L'horloge était... biologique et tout. Oui, et tout. Effectivement. Puis pour les femmes, ça va en s'atténuant selon certaines études avec l'âge. Donc, se retrouver à 35, 38 ans, puis dire, ben moi, j'en veux pas d'enfant. Là. Puis mon partenaire est confortable avec ça. Mais c'est très mal vu. Vous avez vraiment raison. On entend souvent parler de femmes plus âgées qui ont des enfants dans la vie, et puis là, ça crée la controverse parce que là, oh, l'enfant va avoir un parent qui est âgé. Quel âge c'est ça. Tu sais, puis là, ils vont se faire dire au restaurant, coudonc, c'est ta grand-mère, non, c'est ma mère, mais etc., etc. Ouais. Ah. Mais dès que tu sors, dès que tu sors de ce qui est connu, de ce qui est normal ouais. pour les gens, dépendamment, tu sais, si tout le monde dans ton village, exemple, a des enfants à 25 ans, mm-hmm. et là, toi, t'arrives avec un enfant à 35 ans, c'est sûr que tu sors de la norme. Donc, c'est sûr que ouais. t'es stigmatisé. Donc, ces femmes-là, c'est ce qu'elles revendiquent, c'est vraiment le choix de pas avoir d'enfants, et elles ne veulent pas, justement, être stigmatisées, montrées du doigt. C'est davantage un choix, c'est quelque chose qu'elles ont besoin d'être respectées. Puis c'est souvent très incompris par leur famille, même au sein même de leur famille. Il y a une incompréhension totale. C'est sûr, t'es l'enfant de quelqu'un, donc ta mère, elle a désiré avoir des enfants. Puis là, il y a une histoire de descendance. Oui, l'arbre généalogique, il ne fallait pas qu'il arrête là. Exactement. Mmh. Donc, puis souvent, les gens, le besoin d'affiliation est très important. Donc, le besoin d'avoir une descendance. Oui. Donc, c'est des gens qui vont être très perturbés par « Mais tu veux pas poursuivre notre famille? » Puis poursuivre la famille, c'est en ayant des enfants. C'est ça. Ce qui est bizarre, parce qu'en même temps, ils changent, en tout cas, je sais pas, ça se fait sûrement plus autant, mais qu'ils changent le nom de famille pour prendre le nom de leur mari. Mmh. La descendance, dans le fond... Et là, pareil, mais tu sais, elle a plus ton nom, tu sais. Ouais. Tu continues le nom de la famille, t'sais. Ouais. Ça se fait-tu encore, ça? Putain, hein, je me dis. De quoi? Le prendre le nom du père? D'habitude, la femme. Ben, de plus en. Tu veux dire, quand je me marie, je prends un nom. Tu vas voir ça beaucoup en Europe. Moi, ouais. je reviens d'Europe de cet été, et puis, tu sais, c'est comme. C'est commun. C'est très commun, là. Puis, genre, c'est le nom de mon mari, puis il n'y a pas de choix. Mais tu vois, quand c'est l'histoire des enfants au Québec, dans ce que j'ai pu voir en maison de naissance, souvent, ben, tu sais, dans Monsieur Plante et Madame Tremblay, ben, ça va être les enfants Plante. Mm-hmm. Maintenant, c'est plus rare les deux noms. OK. Mais les noms composés et triple composés, les prénoms. Ben oui, hein, tu sais, séparer des prénoms que tu pensais pas que tu pouvais séparer, là, comme Michel. Mi SO, puis là, t'as Mi Petro-Canada, ça commence à être compliqué. Genre, c'est ça. J'ai jamais vu. Shell. Michel, t'as pas une Oh mon Dieu. Hey, t'as un cerveau qui fonctionne, là. C'est comme du sang en plomb, ça. Oui, c'est vraiment impressionnant. J'écoutais la rediffusion d'hier dans ma voiture en m'amenant, puis c'est « Aïe! » On était particulièrement en forme hier. En plus, il était tard dans l'émission, parce que quand ça rejoue avant 7h30, c'est la reprise de 8h30 à 9h30 du jour d'avant. Oh, là, je suis rendu à la fin de l'émission, t'es en forme. T'sais. Là, en ce moment, ça me surprend que je sois capable d'en faire. Ouais. Parce qu'il est comme 7h45. T'sais. Puis, non, ce matin, t'étais pas couché. Ben non. Je mettais des photos de Mario Bros sur mon Facebook. Les priorités aux bons endroits. Et voilà. Mais je me trouvais très drôle de te finir. Oui, alors que tout était clairement aussi debout. Mais moi, c'est un travail quand même. Ah. Mais oui, sur Facebook. Oui. Donc, souvent, c'est la maternité va être perçue comme un impératif biologique. Puis le fait de vouloir des enfants, c'est normal. Mais le fait de ne pas en vouloir, pour tout le monde, c'est pas normal. Parce que on a comme cet impératif-là de l'affiliation, de faire une descendance, de vouloir des enfants. Puis ces femmes-là qui disent « j'en ai pas de besoin, j'en ai pas envie », elles vont aussi parfois utiliser l'argument écologique. Donc, le fait de... Tu sais, les ressources sont limitées. Bon, il y a plein de théories sur 2050, qu'on va arriver à un point de non-retour et tout. Et là, ces femmes-là disent, ben, dans les périodes comme aujourd'hui, avoir un enfant, c'est laisser une empreinte écologique qui est énorme. Donc, ça pète sans cesse, ces enfants-là. Fait que pour les elles, couches, ça va les couches. Ça va dans la continuité de leurs valeurs, de leur esprit qu'elles ont. Mais c'est vraiment des tabous qui sont très persistants au niveau de ça. Puis en psychanalyse, par exemple, le désir d'avoir un enfant, c'est un sujet qui est très complexe et c'est qui est évolutif et c'est qui est très changeant. C'est pas quelque chose qui est coulé dans le béton. Donc ça peut être très perturbant pour pour des, par exemple, un médecin, un gynécologue qui voit arriver une femme de 33 ans qui dit « Moi, coupe, chop, chop, là, j'en veux pas d'enfant. T'en as jamais eu. Tu es encore en âge de te reproduire et tout. » Parce qu'au Canada, on considère que une femme est en âge de procréer entre 15 et 54 ans. Et donc, pour eux, ben là, t'en as jamais eu. Non. Moi, je t'opère pas et tout. Donc, ils vont demander des fois des tests psychologiques, des trucs comme ça. Je sais pas que c'est toujours fait, mais des fois, ça se fait. Et c'est vraiment... les psychiatres ou les psychologues vont vraiment trouver ça difficile de pouvoir comprendre parce que c'est vraiment un désir qui va rester. Parce que justement, c'est quelque chose qui est très complexe, le désir d'avoir des enfants et l'affiliation. Donc, est-ce que ça va rester? Est-ce que les femmes vont pas vouloir changer d'idée et tout? Et c'est surtout que faut pas qu'il y ait de regrets non plus. Oui. Le fait d'avoir stérilisé, mais aussi le fait de ne pas vouloir d'enfants. Est-ce que tu vas le regretter à 50 ans? Tu peux toujours adopter. Aussi. Ben oui. Ouais. Et tu l'as dit, est-ce qu'on avait déjà dit que c'était réversible plus chez la femme que chez l'homme? C'est pas l'inverse? Non, c'est l'inverse. L'inverse, tu vois. Ouais, chez la femme, chez la femme, il y a quatre façons de stériliser. Oui. Dont une, la cotérisation. Donc, tu brûles carrément. C'est vraiment dur de reconnecter. La cotérisation, tu prends des cotteurs. Cotérisation. Tandis que monsieur, ben c'est comme une petite boucle. Puis, toup, toup. C'est un petit nœud. Mm-hmm. Tu sais, les femmes aussi peuvent avoir ça. Il y a comme quatre façons de stériliser une femme. Puis c'est vraiment... Ça peut être intéressant. Il y a un badge chez les scouts pour faire des nœuds dans le nœud de la stérilisation. Toujours. Les futurs chirurgiens, passez par les scouts. C'est ça. Oui. Voilà. Les Jeannettes. Faire des nœuds. Et ces femmes-là vont être... les femmes qui ne veulent pas d'enfants, pensez-vous qu'au travail, ça va être bien perçu ou est-ce qu'on va pas les utiliser justement? Oui, pour les faire travailler encore plus vu qu'ils prendront pas de congé. Mm-hmm. On s'attend d'elles à ce que tu travailles à la fin de semaine, t'as pas d'enfant. Ben oui, c'est vrai. Ah. Aïe, aïe, fait que si tu veux vraiment pas avoir d'enfant, il va falloir que tu aies des convictions et que tu persévères et que tu te battes pour pouvoir avoir tes fins de semaine quand même. Ben c'est juste les gens font comme, ben moi j'ai des enfants, donc je vois pas pourquoi je perdrais mon week-end tant que toi t'en as pas. Fait que, ouais, deal, puis moi, faut que j'aille à la garderie les chercher, toi t'as rien, personne t'attend. Fait que tu peux finir à 8h à soir. Bref, c'est ça. C'est ça. Finis mon rapport. Burp. Alors que moi je fais finir les rapports à mes enfants. Oui, exact. Mais tu vois, ces femmes-là au travail vont vraiment être marginalisées parce que, justement, il n'y a pas d'enfants parce que, justement, il y a comme pas d'impératif, mais c'est sans prendre en considération leur vie sociale qui est extrêmement riche. Souvent, c'est quand même avoir une vie sociale qui est plus riche. Il va avoir une vie en général. En tout cas, au début de la vie d'un enfant, tu n'as pas grand-vie autre que ton enfant. Mais elles ont plus de temps pour ça. Oui. Et si tu veux, elles disent qu'elles n'ont pas de fière représentante dans les médias, dans les médias sociaux. Oui. Parce que qui tu vois qui est célibataire, qui n'a pas d'enfant, là, photo de bébé, pop, pop, pop. Mais c'est une caricature aussi, là, dans les émissions, tu sais, regarde les parents sur la famille, la vie parfaite sur la famille. Il y a plein d'émissions de tu sais, la galère, la famille, Ramdam. L'autre émission là, qui l'a remplacé. Oh, ça, je suis tactique. Tactique. Je vais dire tic-tac. Il rate genre du risque. Tic-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac. Joueur de soccer. Mais tu vois, elles ne sont pas représentées, ces femmes-là, encore moins dans le paysage québécois. Et si tu veux, leur plus grande ambassadrice, c'est Samantha dans Sex and the City. Oui. Mais tu sais, c'est une méchante caricature. Là. C'est pas tous des prédateurs sexuels. Alcooliques. Oui, c'est ça. Et voilà, moi, ça fait le tour de mon sujet, mais j'aimerais ça qu'on en aborde un autre, si tu me le permets. Vas-y, pour compenser pour les deux dernières fois, tu n'étais pas là. On t'excuse parfaitement, et c'est pas un reproche du tout. Mais merci, puis je suis vraiment dédicace à mon chum qui a vraiment été exceptionnel pendant ces deux semaines de stress intense. De travaux et d'études. Et d'examen et regarde, ça finit hier là, mes examens. Fait que hier après-midi. Là. Fait que merci Mathias. Félicitations à vous deux. On a deux billets pour à vous donner pour vous récompenser. Non, une nouvelle voiture. Quand j'ai dit que je faisais de la radio, je disais, ah, tu me prends une dédicace. Fait que j'ai enfin pu la plugger. Oh, voilà. Depuis septembre, quand ils pensent. Et c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, les sages-femmes sont en négociation. Pour leur salaire, pour en fait, faire reconnaître tout le travail qu'elles font. Et une façon de se faire reconnaître, c'est par les moyens financiers. Mmh. Et il y a une manifestation aujourd'hui à Montréal. Donc, aujourd'hui qui est le mercredi, 30 octobre. 30 octobre, exactement. Et les étudiantes sages-femmes, on encourage et on essaye de soutenir les sages-femmes dans leurs négociations. Et ce qu'on a fait, c'est une série de petites vidéos qui sont relâchées tranquillement aux 2-3 jours en ce moment. Et avec des thématiques un peu sexuelles. Fait que la première, ça a été « Moi, je le fais à quatre pattes avec une sage-femme, je peux. » Et là, c'est « Moi, je le fais... » Où je veux, avec une sage-femme, je peux. Est-ce qu'on écoute celui-là en premier? Oui! Pour en parler après? Moi, je le fais où je veux. Ah ben oui, pourquoi pas dans la cuisine? Où celle-là, ça n'est pas bonne. Avec les sages-femmes, je peux. Mais oui, c'est ça. Il y a comme un petit texte avec une image et tout. Et vous allez me trouver dans une des images. Oh. Ah oui! C'est une cuisine dans une cathédrale, je pense aussi. Non, ben... Mais on va en faire une. Moi, je le fais en criant. Puis on cherche vraiment un spot à snorzer pour crier. C'est drôle, c'est le fun. Fait qu'on pense le faire dans un char. Oui, parce qu'il n'y a aucun loco qui essaie de snorzer pour qu'on... Tu sais, qu'on imite une femme qui accouche, mettons. Sans se faire garder quoi. Puis tu sais, comme tu as pu l'entendre, c'est des sons qui rappellent vraiment la sexualité, ouais. Là. Donc, c'est vraiment ça, 60% qu'on entend. Là. C'est vraiment les soupirs et tout, mais voilà. C'est fait très bien. Merci pour ma J'aime plug. Ça. C'est vraiment apprécié de pouvoir promouvoir un peu ce qui se passe, puis... En tout cas, on est bien fiers des vidéos qu'on a faites. On a travaillé vraiment fort là-dessus. Puis on veut vraiment soutenir les sages-femmes, qui sont nos futurs collègues. En fait, on travaille très fort pour ça. Et donc, on travaille fort l'association en collaboration avec le RSFQ, le Regroupement des sages-femmes du Québec. Parfait. Un peu la syndic. Génial. Merci, Ingrid. Ça fait plaisir. On suit ça sur Internet. C'est RFSSQ. On suit ça. Et puis, on te retrouve la semaine prochaine. C'est les mercredis à 7h35-40. À peu près. Le temps qu'on se starte. Là. C'est ça. Qu'on commence l'émission, starter le moteur. Bah ouais, c'est ça. Start aux pommes, comme on dit. Start aux pommes. C'est bon. J'ai déjà fait 1000 fois. Mium. Crème glacée. C'est quand tu startes un chat, ça. Oui. Mium. Juste crème glacée après. Oui. Ça va. Tarte aux pommes, crème glacée. Ah oui. Oh. Hey. Oh. Ouf. C'était froid. Ça m'a laissé froid. Pendant qu'on dit à la semaine prochaine à Ingrid, on va la laisser sur une chanson de MGMT, pourquoi pas. Oui. Ben oui. On écoute un extrait du palmarès qu'on joue pas assez, donc il monte pas assez dans le chart. Voici Your Life is a Lie. Oh yeah. Open your eyes. Your life is a lie. Don't say a word, I'll tell you why. You're living a lie. Your life is a lie. But you deny you ever lied. Wondering why. Barely alive. Count your friends on your hands. Now look again. They're not your friends. Hold your breath. Everyone left. No surprise. Living a lie. C'est fou. Comment? Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage requis en ce mercredi 30 octobre 2013. Il est Jean-Philippe Chabonneau. Il est Mathieu Plante. On est en forme un matin, je pense. Oh, correct. Plus que lundi. Et mardi, moins que... Et moins que jeudi. Moins que deux, tu l'auras, là. Si ton voisin a une maison jaune, okay, mais qu'il n'aime pas le beurre. Tu sais, les fameuses charades, là, quand t'étais petit, il faut que tu devines qui est, à qui appartient la maison rose. C'est... Tu le jeu avec les petites plaques? Non, non, c'est vraiment, tu sais, t'as une liste de choses, puis là, il faut que tu fasses des tableaux, puis là, tu dis, alors, laissez faire. Faut-tu que tu donnes une bine à quelqu'un quand tu vois un char mauve? Ça, je connais ça. Non. Non? Sais-tu ce que... Deux frettes en moins de 5 minutes. Ben, c'est bien correct. Moi, les seuls jeux que je connais, c'est mots croisés, mots mystères, sudoku et caricature. Oui. Ce qui nous mène vers la chronique du Zone Campus. Non, pas celle-là, tu vois. Je trouvais ça beau comme intro, comme façon de le dire. C'est dommage. Moi, tout ce que je connais, c'est mots mystères, mots croisés, sudoku et caricature, ce qui nous amène à la chronique du Zone Campus. Zone Campus, ouais, offert gratuitement. Montre le son. Et dans plusieurs commerces. Bien. Zone Campus, un journal qui frappe. Service. Ben là, pas dans ma face, j'ai pas de raquette. Oh no! Donc, on accueille Stéphanie Paradis, qui est la rédactrice en chef du journal Zone Campus. Et salut. Sportive à 16h. Sportive? T'as pas ta raquette, mais t'es sportive à tes heures. À mes heures, là, on recule l'heure, je pense. Oui, tu vas pouvoir avoir une heure de sport. C'est le fun. Oui, ça sert à ça. Faites les liens que vous voulez. Donc, Zone Campus qui est en couverture. C'est une couverture, c'est comme un magazine, non, ça? Non. OK. Bon, le choix des mots. Essaye pas, t'auras pas ton lien si facilement avec moi. Ça s'en vient dans une dizaine de minutes tantôt, mon lien avec ça. Donc, en une, en cover, side, sunny side up, ouais, comme un œuf, oui, on retrouve la pyrotite parce qu'on en retrouve à l'UQTR. Et c'est d'ailleurs ce dont on parle en actualité. Exactement, c'est une grosse photo de pyrotite. Oui, on a voulu en racheter par Photoshop de la pyrotite sur les photos. On trouvait qu'il y en avait pas assez. C'était laid, tu sais. C'est une big pyrot. Big pirate. Oui, cœur de piratite, c'est ça. Oui, cœur de pirate. Ah oui, oh! Oui, elle est excellente. Merci. Je pensais que tu parlais d'un gros perroquet. Ah, ben, c'est plus vers ça que je m'en allais, là. Mathieu, il me déstabilise tout le temps. Cœur de perroquet. Non, mais c'est correct, perroquet, pirate, ça va ensemble. Oui. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça. Donc, piratite, l'UQTR est parmi les victimes. Oui. Donc, l'Université du Québec à Trois-Rivières apprenait dernièrement qu'elle comptait parmi les victimes de la pyrotite. En effet, le rapport d'analyse de la firme LVM de Trois-Rivières révélait une présence non conforme de pyrotite dans le pavillon de la santé et dans le CAPS. Donc, le pavillon de la santé, c'est en dessous de la norme québécoise, mais ça pourrait quand même causer des dommages à long terme. Donc, ça devra être réparé aussi. Sûrement, surtout ceux qui travaillent là en permanence, j'imagine que ça doit pas être une bonne chose, je sais pas. T'es en contact avec les pyrotites. Non, c'est pas toxique, là, ça brise le bâtiment. Ah, c'est ça. Tu vois comment je suis au courant. Je vais lire l'article. C'est pas de l'amiante, là. Okay. Ben, non, je dis amiante, mais c'était pas ça que je voulais dire. C'est quoi l'autre? Non, mais tu sais, l'affaire rose, ouais, là, qui rembourrait les maisons avec ça, ouais, là. Ah, du l'isolant. L'isolant rose. L'isolant bleu. Non, mais il y avait. En tout cas, il y a déjà eu un type d'isolant qui était super toxique pour les gens. OK. Donc, c'est pas ça, la pyrotite. Non. C'est ça, c'est pas l'amiante. C'est l'amiante. Ben, sais-tu peut-être? Oui. Parce que c'est loin dans ma mémoire, parce que je me souviens, dans mon patelin, il y avait une maison abandonnée. Puis c'était écrit genre fermé, cause, je sais pas trop quoi, mais je savais pas lire. Puis à chaque fois qu'on passait en avant, je demandais à ma mère, qu'est-ce qui est écrit? Fait qu'elle était un petit peu tannée, mais ça devait être ça, amiante. Ça doit être ça. Ouais. Donc. Mais il y en a de l'isolant rose, là. Faut pas paniquer à la maison. Non, c'est pas l'isolant rose, là. Je sais pas c'était quelle couleur cet isolant-là, l'amiante, là. Passons à un autre sujet. Je vois l'isolant rose. J'ai déjà fait Lisa, par exemple. Oui, mais moi, c'est. L'isolant en rose, ok, je comprends, la vie, ouais, en rose. C'est comme, oui! Édith Piaf. Oui, c'est ça. Wow. Les régions se retirent de la FEUC. Exactement. Donc, on change de sujet. Pas mal, ça devrait être plus pertinent. Donc, depuis la rentrée scolaire, la FEUC a dû faire face à une vague de désaffiliation et à la démission de la présidence assumée jusqu'alors par Antoine Genet-Grégoire. Donc, avec ces désaffiliations... Hey, c'est difficile à 8h à matin. Trop syllabes. Désaffiliations successives, la FEUC a perdu 3 de ses associations de région, ce qui représente quand même 11% de ses membres. C'est quand même énorme. Dans le fond, ils se font reprocher, entre autres, de ne pas s'occuper des régions, donc ça ne représente pas vraiment les établissements des régions, mais c'est plutôt centralisé à Montréal. Tout le temps ça. Hein. Le site internet de la GEQTR prend encore du retard. Ben, en fait, je sais pas si vous étiez au courant, mais la GEQTR va avoir un nouveau site internet. Ouais. En fait, c'était supposé être en ligne le 1er octobre, mais malheureusement, il y a eu plein de retards. Donc, on parle un peu du projet et de pourquoi c'est pas encore là. Ben, c'est pour nous faire espérer et vraiment apprécier le prochain qu'ils ont fait, que celui qui est là présentement fonctionne comme à moitié pas. Genre. Non, ça, en fait, c'était à cause, justement, on en parle dans l'article, mon cher Mathieu. Hein, on... Que ma blague marche pas. Non, en fait, c'est l'UQTR qui jouait dans les filages et ça a fait planter le système. C'est pour ça que le nouveau site va être hébergé ailleurs, donc il n'y aura plus de bonne problème idée. De ce côté-là. Très bonne idée, on conseille Xitel pour aller plus loin. Oui. L'UQTR récompense des diplômés émérites, c'est le 5e gala des Pythagore 2013. Donc, effectivement, il y a 7 personnalités qui ont été honorées par l'UQTR le 18 octobre dernier au gala des Pythagore. Donc ça, c'est un événement qui vise à présenter des diplômés au parcours exceptionnel. Donc, pour cette 5e édition, la présidence d'honneur a été confiée à Patrick Charlebois, qui, lui, est diplômé en administration et gestionnaire de portefeuille à la financière Banque nationale. Donc, il a profité de l'occasion pour féliciter les lauréats, source d'inspiration pour les étudiants. Donc, il y a entre autres dedans Mario Jean, vous savez, tu sais, l'humoriste, là. Oui. Ben, c'est ça. Oh. Il était dans les lauréats du 5e gala des Pythagore. Ben oui, il est là! Je trouvais qu'il ressemblait à quelqu'un que je connaissais, mais je ne sais pas qui. Ben là, d'après moi, c'est parce qu'il ressemble à Jean-Michel Anctil, donc c'est Mario Jean. Ah, t'es mélange les deux. Hein. Non, ben pas moi. Ah, mais déjà. Tout le monde, okay. Sauf moi. Parce que moi, je connais mes humoristes. Oui, oui, c'est comme les Pokémon, hein, c'est attraper les tous, ça. Nouveau cours à l'UQTR, histoire des sports et des loisirs. Oui, c'est une première au Canada. Donc, dès janvier prochain, les étudiants de l'UQTR pourront s'inscrire au cours d'histoire des sports et loisirs de l'Antiquité à nos jours. Donc, ce cours se veut un cours d'histoire générale sur le thème des loisirs, une première en Amérique du Nord. Donc, il y a tout un débat actuel sur, par exemple, la violence au hockey. Il y avait exactement les mêmes débats dans la Rome antique sur les gladiateurs, sur comment on devrait essayer de limiter les gestes trop violents. Donc, on essaie de faire, entre autres, un parallèle entre ce qui se passait avant et aujourd'hui dans les loisirs. Dans le fond, les problèmes aujourd'hui sont pas nécessairement nouveaux, donc comme on le montre, par exemple, au hockey. Oui. Wow, j'aime ça, vraiment. Ensuite, Laurent Constantin, son texte d'opinion « Voyage au centre du campus », c'est un automne chaud en débat, part 2. Oui, deuxième partie, l'étudiant citadin aux urnes. Donc, c'est le 3 novembre que s'achèvent les campagnes électorales municipales partout au Québec. À Trois-Rivières, on annonce un nombre record de candidatures. Pour ce qui est du débat qui a eu lieu le 9 octobre dernier à la Chasse-Galerie, 5 candidats étaient présents sur autant de candidats se souciant des étudiants. Ouch! Pin! Hein? Ça fait mal! Mais de toute façon, il va pas le lire. Il s'en fout, c'est un journal fait par des étudiants. Exactement! Congrès annuel. Ça pourrait être un beau nom composé. Ben oui. Annuel. C'est comme Anaël. Il y a des gars, des filles qui s'appellent Anaël. Je comprends pas pourquoi les gars s'appellent Anaël. Ça fait tellement féminin. Mais... Anaël. Oui. Je connais Anakin, mais pas Anaël. Anakin. Anakin Ball. Congrès annuel de l'AIT. OK, de l'AITQ, ouais, franchement. Donc, c'est de la recherche pour soutenir les intervenants. Donc, depuis plus de 10 ans, l'Association des intervenants en toxicomanie du Québec, ça c'est l'AITQ, donc a choisi Trois-Rivières pour la tenue de son congrès annuel. Donc, lors de l'édition 2013 qui s'est tenue à l'hôtel Delta, des chercheurs de l'UQTR ont pu y présenter les résultats préliminaires de leurs recherches et travaux. Mm-hmm. Donc, c'est le travail de professeurs de l'UQTR pour aider les intervenants en toxicomanie. On les félicite. Bravo. Oui, tous ensemble. La semaine québécoise de réduction des déchets, on en a parlé lundi avec deux des responsables. C'est le comité Bac Vert. OK, deux des. Je pensais que tu disais dude. Dude responsable. Donc, c'est cette semaine. Il y a un français, c'est un dude. Je pense qu'ils disent dude, les français. Dude. Excuse-moi, je t'ai interrompu. OK. Hey, ça veut dire que mon gecko s'appelle dude? Dude? Et non pas dude? Ben, je sais pas. Prends-le pour comme tu veux. OK. Donc, semaine québécoise de réduction des déchets, c'est cette semaine. Il y a plein d'activités qui s'en viennent. Donc, c'est le comité Bac Vert qui organise des activités très variées pour souligner et animer la semaine de réduction des déchets. Je veux dire, réduction de quoi? Des prix. C'est imbattable. Tout doit disparaître. Donc, plein d'activités prévues. Donc, allez consulter l'article ou peut-être la balado-diffusion d'Assemblage requis pour connaître tous les événements. C'était lundi à 8h45. Et voilà. Ah, et pour terminer la section d'actualité, c'est le portrait-reportage qu'a fait Myriam Lorty au sujet de Patricia Powers. La passion des mots, Mathieu. La passion des mots. Oui. Donc, Patricia dit « Je ne connais même pas l'auteur, je vis... » Non, c'est pas elle qui a ça, pas en tout. Il y a son nom dedans. Elle parle d'elle à la troisième personne. Tellement elle a la puissance des mots. Oh. Power. Donc, « Je ne connais même pas l'auteur, je viens pour voir Patricia. » C'était un dimanche matin au deuxième étage de la librairie Clément Morin. Il y avait une entrevue publique avec Francine Ruel pour la sortie de son nouveau livre, mais tout comme son père, je venais plutôt pour voir celle derrière le micro. Monsieur Powers me dit qu'il aime suivre les activités de sa fille pour l'humanité et la chaleur qui s'en dégage. Tout le monde l'aime, elle, Patricia. Ben là, Patricia, je veux dire, tout le monde l'aime, elle aime tout le monde, puis... Puissance 1000. Et tous les autres, j'ai le mot avec Puissance Powers. Puissance 1000. Ah, OK. Oui. Merci de l'avoir expliqué. Ça me fait plaisir. Voilà pour les actualités. Jean-Philippe va vous amener en société maintenant. Ben oui, ben on va commencer avec la plomb dans la tête. Elle va venir nous en parler un peu plus tard, mais Trois-Rivières, faut qu'on se parle. Faut qu'on se parle, oui. Mais ça... écoute, je vais pas en dire plus long parce que je veux pas gâcher de punch. Puis je veux pas avoir l'air de prendre d'aucun crédit du texte. Je vais y laisser à 100%. C'est trop bon. Donc, oui, excellent. Mais restez, là, ça s'en vient vraiment vite. Là. Oui, 8h30. Plutôt que je me la ferme. Là. Okay. Donc, on va y aller hein, avec Nicolas Gauthier. Tout est bizarre. Le néant et les fins heureuses. Effectivement, Jean-Philippe. Oui, Stéphanie. Ce monde va mal. OK, je dis ça avec trop de bonne main. Ce monde va mal. Yes! Il a toujours mal été et ne sera jamais parfait. L'être humain est profondément faillible et ce qu'il crée l'est tout autant. Il y aura toujours la mort et la famine et les maladies séviront à jamais sur nous, sur l'espèce. C'est la faim qui justifie les moyens, fin F-I-M, et la guerre qui règle les problèmes et la parole qui corrompt. Bref, l'existence humaine est quelque chose de profondément nihiliste. Hein? Hein? Pas de joke, c'est Mathieu? Triste, ça, franchement. Mais non, pourquoi j'aurais une joke là-dessus? C'est la fin du monde, c'est tout, là. C'est super négatif, ça, là. Bon. Donc, ben là, tu fais des jokes d'inceste, là. Flashback! transposons avec Stéphanie Gladue. Elle nous conte une histoire de love dans sa chronique Anthropologie moderne. Ah, l'amour! Ah, Jean-Philippe! Ah, ouais, Steph. Mettre des papillons dans le ventre, des genoux qui flanchent et des petits sourires qui trahissent en lisant son message texte. Mm-hmm. Moi, mon chum, il n'y a même pas de cellulaire. Mais des fois, je me dis, ah, oh, me semble que je pourrais le texter pour lui dire telle affaire, ça serait pratique. Je suis comme, ah, il n'y a pas de cellulaire. Mais... achète-y un pagette. Oui. François Landry avait ça l'année passée, deux. Non, mais au pire, ça va revenir à mode parce que ça va être full vintage. Ah ouais, ça va être vite. Mais tu vas pouvoir faire plein de choses. Ça va être un iPage. Mais quand est-ce que tu vas pouvoir lire des vinyles sur ton pagette, tu sais, pour être vraiment rétro? C'est ça, ça je sais pas. C'est ça qui manque. Moi, c'est vrai. Mm. Ça va être gros. Ouais. Ouais, il va ressortir des mini-vinyles. Où est-ce qu'il faut? Oui, des mini-vinyles. Oui, les mini-vinyles. Comme les jeux à la GameCube. Oui, c'est comme c'est les mini-go à vanille. Mais excuse-moi, je voulais faire une blague comme pendant que tu faisais. Vas-y avec ta blague. Ben, j'ai fini ma phrase, moi. Mais on n'a pas fini la chronique société. Non, c'est ça. Moi, je parlais de mini-go à la vanille à la place de mini-vinyle. Vanille, tu sais, de la vanille, les gens disent de la vanille. C'est de la vanille. Laisse donc faire. On aurait dû continuer en société. Ça aurait, ouais, dû, hein? Ça aurait dû. Oui, puisque Kevin Gaudreau. nous parle des non-criminellement responsables pour cause de troubles mentaux. Je voulais que tu finisses. C'est ça. Je voulais qu'on fasse un team. Je m'excuse. Vous auriez dû vous combiner pour faire une pin contre moi et mes troubles mentaux quand je fais des blagues de mauvais goût. Oui. Comment est-ce possible qu'un individu comme Mathieu Plante puisse animer une émission? Comment est-ce possible qu'un individu ayant commis un crime grave puisse sortir de prison après peu de temps de détention? Voilà une question posée régulièrement par la population lors d'histoires criminelles médiatisées au Québec. Je pense qu'on a tous un cas en tête présentement. Mmh. Donc, différentes raisons peuvent venir expliquer la décision du système de justice québécois, dont tout particulièrement les responsabilités criminelles pour cause de troubles mentaux. Donc, très intéressant. Ça montre un peu, pourquoi? Un peu les deux côtés de la médaille, parce qu'il faut se mettre à la place des autres aussi. Tu sais, le juge, les avocats et tout ça, la société. Donc, c'est des avis différents. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons qui entrent en jeu. Donc, très intéressant à lire. À différents degrés, tu as des troubles mentaux, tu as des troubles petite veste de printemps, tu as des troubles... Ça, c'est la joke que j'ai faite quand on a monté le journal. Ouais. Puis tu la ramènes. Alors, je vais faire comme un RBO, c'est le retour du vieux stock. Ah... Mais Sébastien Dulude sera là aussi un peu plus tard dans l'émission, mais il a fait un article sur quelques trucs trash dans sa chronique. Va voir ailleurs, j'y suis. En fait, je pense que ça, c'est la deuxième. Ouais. Je pense que celle qu'il va nous présenter, c'est la première partie. Oh. Donc, il y a vraiment deux articles, deux chroniques sur les trucs trash. Merci, Steph. Donc, là, on a vraiment les exemples concrets de trucs trash. Donc, il le dit. Récemment, j'ai exprimé ma lassitude devant l'usage outrancier du trash. Donc, saupoudré à toutes les sources pour tenter de rendre piquant un banal autrement navrant. Pourtant, je suis loin d'être opposé au trash. Pensons à Full Blood. Ça, c'est moi qui rajoute dans le texte. Esthétique nécessaire. Et il m'arrive encore parfois de réagir à celui-ci. Voici quelques pistes de trash qui marchent. Donc, il nous présente, par exemple, le film Laurency. Les tunes de Mon Oncle Serge. Ou finalement, Trois-Rivières qui ne l'est pas du tout. Oui. Voilà. Qui n'est pas très trash. Très bon, c'est jeu de mots. Très trash. Ouais. Bon, hein, très, oui. Trois-Rivières, trash. Section loisirs. Maintenant, on a une délicieuse caricature de Alexandre Laramie Zwicky dans le Petit Zwicky illustré qui nous fait une comparaison entre les enfants qui passent Halloween et les candidats à la mairie. Et voilà, tu viens de dire le punch. Ben oui, en fait, c'est ça. Guide pratique de l'Halloween. Ben, c'est pas vraiment un punch, là. C'est plus la description qui est le punch, moi, selon moi. Bien sûr. Mais c'est à voir. Je te taquine, Jean-Philippe. La réponse du Sudoku. Pour le Sudoku, on a le 9 dans le carré supérieur médian. Ensuite, on a le 3 dans le... T'imagines-tu si tous les carrés, mettons, ils étaient chiffrés? Comme, mettons, le, en haut à gauche complètement, c'est 1. Après ça, ça veut 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, mais fait non, que là, mais... on pourrait dire que le 9 est dans la case 2, le 7 est dans la case 9, dans la case 6, le 5 dans la case 8. Puis là, on pourrait continuer comme ça. Puis là, les gens pourraient... Je suis déjà pas bonne avec les chiffres. Moi, je suis déjà mêlé, puis c'est moi qui le fais. parlant de caricature, on a aussi le fantasque de Hubert Samson à voir. Et on finit la chronique Société avec Jean-François Veilleux et sa chronique Philosophie 101. Plusieurs savent déjà que je rédige actuellement un mémoire de maîtrise sur la catharsis dans le concert de musique métal. Mais peu d'entre vous ont un véritable contact avec mon domaine d'études, la philosophie. Donc, pour vrai, moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très intéressant parce que ça nous montre un peu la face cachée de la philosophie qu'on connaît pas quand on n'est pas directement immergé dans le domaine. Donc, ça m'a un peu éclairé. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc... Génial. À lire aussi. Génial. Oui. Avant de passer en arrêt spectacle et en sport, prenons une petite pause musicale pour aller entendre Panache, une nouvelle entrée du palmarès francophone. Et tu sais, Stéphanie, on parle du journal Zone Campus en ce moment. Oui. Sais-tu ce qui manque dans Zone Campus? Je sais pas. Un petit fold-out dans le milieu. Hein? Un quoi? Un petit... comme dans les magazines quand tu ouvres... Une section détachable. Section détachable avec des photos osées. Un calendrier des gens du journal Zone Campus. Ah. Oui, c'est ce que j'attends. Donc, en hommage à ça, voici Panache et Léa dans les magazines. Je ne vais pas t'associer à ça, moi. Okay. Pas la toune, non, mais... Liberté, j'ai ma douleur, j'ai mon ego. Léa, elle m'a appelé. Léa dans les magazines de Panache. On est toujours dans la chronique Zone Campus avec Stéphanie Paradis. Hey, rebonjour Mathieu. Salut Steph. Donc, on est en train de faire la revue de Zone Campus, la plus dernière récente édition. Hein, insérer gag mauvais ici. Oui. Entre crochets. Donc, on est rendu dans la chronique art et spectacle. Donc, Ligue d'improvisation mauricienne. Oui, donc, on vous parle du showcase qui a été présenté par la LIM. Donc, c'était le 15 octobre dernier. Donc, la LIM, la Ligue d'improvisation mauricienne, lance officiellement sa saison avec le traditionnel showcase, donc durant lequel les quatre équipes étaient présentées au public. Donc, c'est comme la lutte. Dans le fond, c'est deux mini-matchs. Donc, la première partie, il y a deux équipes qui s'affrontent. La deuxième partie, c'est les deux autres équipes qui s'affrontent. Et voilà, comme ça, on peut voir ce qui nous attend un peu pour la saison. Oui, toi, Jean-Philippe, t'es allé voir le showcase? Non, malheureusement, j'ai pas pu y aller. J'étais absent de ça. Mais je suis allé voir la Luître, par exemple. Le showcase de la Luître? Oui, et le dernier match aussi. Cool! Donc, on va parler un peu du dernier match, justement, de la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières. Donc, la Luître. Donc, le 24 octobre, la Luître présentait l'événement La Luître feutrée. Donc, c'était un spectacle spécial pour la semaine de relâche. Donc, c'était même pas le lundi, c'était le jeudi. Ouhou, fantasy! Donc, au lieu de son style gravelien habituel, elle a embrassé le côté théâtral de l'improvisation. C'était vraiment chouette, il y avait des chandelles sur les tables, oui, c'était vraiment fun. Bien. C'était un bon spectacle, même. C'était un bon spectacle. Et voilà, c'était un bon spectacle. Oui. Maintenant, dans la chronique Toujours en spectacle, Marie-Hélène Gauthier nous parle d'un livre. Oui, les chroniques du tueur de roi de Patrick Rothfuss. Rothfuss? Toi, tu prends. Rothfuss. Donc, dans une chronique précédente, il y a quelques semaines, je vous avais glissé un mot sur une brique de quelques 800 pages que je venais de commencer. Donc, je pensais que ce serait long à lire, que je le traînerais quelques temps et que je ne le finirais petit à petit entre mes autres obligations, entre guillemets. C'était mon intention, je vous le jure, à la plage, j'ai coupé dans mes heures de sommeil. Donc, je crois que ce livre-là, c'est un succès, n'est-ce pas, Mathieu? Oui, tout à fait. N'est-ce pas, Jean-Philippe? Ah, j'avais pas catché la blague. Oui, hey, ben oui, ben hey, hein? Il blague ton matelas. Ah non, il fait pas ça, Jean-Philippe. Pas de punch. toujours en spectacle, Alexandra Carignan nous parle du spectacle intimiste de Chantal Archambault. Ah oui, donc le 17 octobre, la chanteuse Country Folk, Chantal Archambault, était de passage à Trois-Rivières pour présenter son dernier album, Les Élans. Et là, je pense qu'on parle pas de rignal du tout ici, mais plutôt d'un swing. Même si ça sentait très bon dans la salle. Hey, des bonnes blagues! Donc, c'est accompagné de ses quatre musiciens qu'elle a performé en toute simplicité devant les spectateurs. Il paraît qu'elle était toute naturelle, que c'était parfait comme soirée. Oui, sans ajout artificiel. Ensuite, c'est pas de capturer les épaules, t'es très haute. Fader nous parle de Fader. Simon Wall. Bon, oui, donc, soit dit en passant, Félix Antoine Desilets-Rousseau, on l'appelle affectueusement Fader. C'est moins long. Donc, Simon Wall, le voyageur dans l'âme. Donc, après une tournée dans le Canada anglais, de Montréal à Tofino. Tofino, c'est là qu'ils font les toffies. Oui, le tofu. Non, pas le tofu. Non, je parlais des bonbons, là, tu sais, les toffies. OK, je laisse faire. L'auteur, compositeur, interprète Simon Walls était de passage dans la région trifluvienne le 17 octobre dernier. Donc, il en a profité pour présenter plusieurs chansons tirées de ses deux albums, dont Ask Your Eyes What the End Sounds Like et Klein Blues. Et voilà. Et puis, ben, ça fait le tour. Non, pas du tout. Il n'y a pas de petit astérix, non. Parlons maintenant du spectacle de Jérémy Demey. Oui, ça finit plus de bien aller. Ben, okay. Donc, c'est un spectacle réconfort. Donc, c'était présenté à deux reprises à Trois-Rivières, donc les 25 et 26 octobre. C'est l'humoriste français Jérémy Demey a présenté son premier one-man show, ça arrête plus de bien aller, mis en scène par Mike Ward. Donc, c'est un spectacle à la hauteur de ses 6 pieds 5 pouces. Donc, c'était vraiment cocasse, là. Il est sorti en même temps que les spectateurs et il faisait des câlins, prenait des photos avec tout le monde. Donc, c'était très chaleureux. Et finalement, le dernier spectacle dont on vous parle dans la zone campus, c'était Duo Camaro et les gars de Mashup. Donc, improvisation, interaction et abandon. Donc, c'est à l'étage du Nord-Ouest Café le jeudi 17 octobre que les deux groupes ont livré des prestations teintées d'improvisation et d'interaction avec le public. Maintenant, hey, hey. Donc ça fait le tour pour la section horaire spectacle. Allons maintenant en sport. Avec Jean-Philippe. Oui, tout à fait. Donc sport, on commence avec le soccer masculin et féminin. Un week-end plutôt difficile. Donc, c'était les deux derniers week-ends qui ont saison été, pénible. Oui, qui ont été difficiles. Donc vraiment, ça a mal été. Allez, ça va mal. Ça allait mal. Ça arrêtait pas ça de mal aller. Mal. Comme dirait Jérémy Nommé. Bref. C'est de la merde. Hey, c'est pas très hot, comme on appelle. Donc, c'est terminé, effectivement, pour le soccer masculin et féminin. Donc, les deux équipes des Patriotes ont chacun perdu leur match du 18 octobre. Par contre, oui, c'est ça. Et même le 20 octobre, la formation masculine s'est inclinée face à son adversaire. Mais les filles ont remporté quand même le petit match le 20 octobre. Un petit match. Un petit match. Et mais finalement, c'est ça, c'est fini. Si vous voulez un petit résumé de leur fin de saison. Game over, too bad for you. Mais on les retrouve en janvier pour le soccer intérieur. Ah oui! Le soccer d'hiver. Je pensais qu'ils se mettaient à d'autres sports, genre qu'ils allaient jouer au, à pétanque, je sais pas quoi. Je m'excuse, est-ce que c'est une pin contre le pétanque? Non, le pétanque. Le pétanque. Est-ce que c'est le pétanque, là? Hein? Qu'est-ce que t'as contre les pétanques? J'ai rien par tout contre ça. J'ai rien non plus contre la natation, coupe universitaire, quelques bonnes performances de la part des Patriotes. En chemin, Jean-Philippe, toi, tu veux voir des filles en maillot? Ben, qu'un. Je suis gardé dans le journal John Campus. Il y a des gars aussi, hein, qui font de la natation. Ah, on les voit pas sa photo. Ah oui, c'est pour ça, c'est pour Mathieu. Hein, Mathieu? Ah, oui. J'ai rien à dire là-dessus. Moi, les hommes en speedo, là. Donc, la deuxième coupe universitaire de natation s'est tenue à l'Université McGill durant la dernière fin de semaine d'octobre. Même si les supporters sont maintenant habitués aux grandes performances de Caroline Lapierre-Lemire, les relais des équipes des Patriotes ont également bien fait lors de cette compétition. Ensuite, on parle de cross-country. Une recrue des Patriotes est au sommet du championnat provincial. Effectivement, donc c'est Sarah Bergeron-Larouche qui est la championne québécoise de cross-country. Donc, ça vaut la peine de le souligner. Il y a quand même eu d'autres bonnes performances à découvrir dans le zone campus. Ben oui. Et on termine en hockey avec deux fins de semaine, deux matchs, deux groupements de matchs. C'est combien de matchs, deux matchs? Ben, un peu plus que ça. Okay. En fait, c'est... premièrement, le match de brisage de glace. Donc, c'était le début de la saison de hockey, mais mon qui cher. Qui va la réparer? Ben oui, c'est ça, comment ils vont faire pour jouer? Essayer tout briser la glace? Non, mais c'était une autre glace, là. Ils s'étaient acheté une crème glacée, ils l'ont échappé par terre. C'était la visière. Oh, ma glace est brisée, maman. Ou les Français, ils parlent aussi de glace pour un miroir, ça. Oui, 7 ans de malheur. 7 ans de malheur. Ils sont bizarres, les Français. Ils sont vraiment bizarres. Donc, l'équipe de hockey des Patriotes a fait plaisir à ses partisans lors du match d'ouverture de la saison le mercredi 16 octobre au Colisée de Trois-Rivières. Donc, dans un match haut en intensité et en rebondissement, la troupe de Marc Étienne Hubert l'a emporté en prolongation par la marque de 4-3 sur les Stingers de l'Université Concordia. Et finalement, en fin de semaine dernière, le dernier week-end, ce qui vient de passer. Donc, c'était une mission accomplie pour les Patriotes alors qu'ils affrontaient deux équipes du bas du classement de la division Est de la Ligue universitaire du Québec et de l'Ontario. Donc, leur fin de semaine s'est soldée par deux victoires en autant de sorties devant leurs partisans. Donc, face aux JJs de l'Université d'Ottawa et au Collège militaire royal, donc RMC. Deux grosses performances qui font du bien aux hommes de Marc-Étienne Hubert. Et voilà. C'est ce qui fait le tour du journal Zone Campus, n'est-ce pas, Jean-Philippe? Oui, tout à fait. Tu vas nous faire le wrap-up résumé de la fin, comme d'habitude. Oui. Mathieu. Donc, en kiosque de hier. C'était écrit dessus. Je veux-tu que je te l'ordonne? Oui, merci. En kiosque hier jusqu'à... du 29 octobre. Jusqu'à lundi dans deux semaines. Oui. Donc, c'est du 29 octobre au 11 novembre 2013. C'est le volume 9, numéro 5, 24 pages, c'est un bimensuel gratuit. Puis, allez au El Taouk. Oh, c'est des bons petits coupons. Oui, c'était chaque commerce qui est mentionné dans la zone campus. Oui, c'est ça, exactement. Donc, merci Stéphanie Paradis. Merci Mathieu Plante. Merci Jean-Philippe. Ça me fait plaisir. Donc, restez là, puisque à 8h30, c'est Lily Brunet-Saint-Pierre. Oui. On y va. Ok, bye. On y va. Le sketch est fini, vole-moi pas ma place. Non, j'essaye, je suis nerveux. Ouais. Tu vas-tu un peu? Oui! Il n'y a pas de bumper, rien. Rien. Pas de bumper. Rien. Pas professionnel du tout. Je sais. Ok, bye. C'est fou. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Là, on a l'impression d'être dans une émission de Mathieu Plante, qu'il y a des bumpers pour beaucoup trop souvent, puis ça arrête pas de jaser, puis pas être pas du contenu, puis des jingles, puis des musiques. Puis t'as retrouvé ta voix aussi, t'avais une voix pas pareille. J'avais pas le même tonus. Non. Tu sais, puis toi, t'avais pas le même niveau d'humour que moi. Je vais te prendre un gin tonus. Oui. Ton imitation de moi, t'as quand même pas pire. Oh, on a réussi à avoir du plaisir. Okay. Steph, verdict. Verdict? Moi, j'ai faim. par rapport à nous deux? J'ai faim. C'est parce qu'on est deux bêtes pièces de viande. Oh oui! Bon steak saignant. Ah, miam, miam, miam. Donc, viande, pas de tofu. Tofino. Tofino. Tofino. C'était bon ça, ouais. Oui, c'est un bon gang. Petit bonbon de Tofino. T'as raison, je pense, ça vient de là. Tantôt, Élie Brûlé-Saint-Pierre et sa chronique La Plomb à la tête. Oui. Mais pour l'instant, on écoute Tennessee. Oui, dépendant. Non, pas de Guillotte. Reprends ton rôle de gars qui sait les pièces qui vont jouer. Hein? Ben oui, je m'excuse. Je suis tout mêlé. Je suis qui? J'ai un dédoublement de personnalité. Je pense que je suis schizophrène. Tennessee à Assemblage requis. Toujours à l'émission matinale en pièce attachée, Jean-Philippe Charbonneau. Mathieu Plante. Stéphanie Paradis est aussi avec nous. Ben oui, je suis encore là. Excuse-moi. Ben oui, je suis encore là. Tu vois, JP aurait pas fait ça à ma place. Il aurait monté ton micro comme faux. Ben j'aurais pas parti de bumper. Ah, il y a ouais, ça. Chacun ses petites forces. Chacun. Mais c'est la deuxième fois ce matin que tu m'ouvres pas. Tantôt, je t'ai fait hey, mon veux-tu micro. Veux-tu que je trouve quelque chose, moi? Oh! Bon ben. Pas sûr. Oui, c'est ça. Lui puis moi, on va juste sortir. Réglez ça entre vous autres, mais vous en nombre. Vous ce que vous voulez. Oui, c'est ça. OK, donc Jean-Philippe et Stéphanie sont là pour m'accompagner et accueillir Lily Brunet-Saint-Pierre. Bonjour. Oui. Bon matin. J'avais volé le punch en disant. Ben oui, en disant Lily, c'est ça? Oui. C'est Lily. Donc, La Plomb dans la tête, c'est le nom de sa chronique. Donc, on la retrouve à chaque deux semaines ici à Son âge requis. Et cette fois-ci, on va faire ça un petit peu différemment. Hein. On est vraiment comme pompé. C'est encore une fois, ça a l'air bizarre d'ici. On se pompe, oui, genre. Donc, tu vas nous lire ton texte. Oui, je vais essayer, même si j'ai une voix de troqueur de 45 ans. Troqueur. En tout cas, si les troqueurs étaient tous de même, On a un vrai plus de trocœur. La voix, Mathieu, oui, la voix. Okay. Ah, la voix. Ah, oui, d'accord. Dans la voix. J'ai du trocœur dans la voix. C'est quoi la chanson qui fait ça? Dans la... Je suis avec la pointe. Oui. Ah, donc, Trois-Rivières, faut qu'on se parle. C'est le titre de ta chronique cette semaine. Oui. Alors, Trois-Rivières, faut qu'on se parle. Je vous lis ça tout de suite. Fait qu'on va jouer Trois-Rivières et on va t'écouter. Oui, c'est ça. Vous réagirez après si vous voulez. Bon. Parfait. Trois-Rivières, quand je pense à toi, je suis amère. T'as tellement un nom inspirant, bleu, mouillé. On pourrait croire que tu miroites sous le soleil quand tu passes sous les ponts et que tu laisses les kayaks t'effleurer le matin. T'as une belle et longue histoire qui date, des monuments, un slogan. T'es une fourmilière d'artistes louches et de poètes, de travailleurs aux pantalons bien pliés, de petites étudiantes en uniforme. Tu accroches des poèmes sur ta corde à linge comme une grande romantique en automne. T'es le genre qu'à la lecture du CV, on voudra embaucher tout de suite. Mais voilà, le problème c'est lorsqu'on te croise de plus près, quand on s'intéresse à ton contenu et qu'on examine ta santé. En marchant dans tes artères principales, en sillonnant ton bitume, on se rend bien compte que ton système immunitaire est défaillant. Ton système, parlons-en. Il est plus qu'immunitaire. À trop grande dose d'immunité, de dérogation et de privilèges, tu es tombé malade. Tu voulais pas manquer un party, un 5 à 7 ou te faire voir brièvement. Ton teint est devenu gris, ton eau verte, et même en été, tu fais de la fièvre dans ton îlot de chaleur. À la longue, t'es devenu auto-immunitaire, Trois-Rivières. Ta culture et tes histoires, on ne les entend plus. Tu cries tout le temps maintenant, tu fais trop de bruit. Ton langage s'est simplifié, ton vocabulaire s'est appauvri. Puis entre toi puis moi, c'est pas parce que tu te tatoues des poèmes à tous les coins de rue que ça veut dire que t'es profonde. Tu t'habilles moins aussi, as-tu remarqué? Tu mélanges les couleurs criardes sur ta mini-jupe et j'ai su entre les lampadaires que t'hésites pas à payer un promoteur pour qu'il t'enlève des couches. C'est quoi ce comportement-là? T'es ton propre proxénète maintenant, Trois-Rivières? T'as les jambes et les mains enflées. On dirait que tu manques de circulation dans les extrémités. T'aurais besoin de te revigorer un peu. De te revitaliser, qu'on dit. Surtout dans le bas de ton cap, ça prend pas un médecin pour voir que tu tiens pas la forme. Je veux dire, tu peux bien te mettre 5 couches de maquillage d'en face, t'as les mains pis les pieds noirs. Franchement, c'est pas charmant. Prends-le pas mal, mais tu veux trop flasher. Tu seras jamais comme Las Vegas. Et quand tu y réfléchis, veux-tu vraiment lui ressembler? Tu commences à avoir l'air cheap, surtout depuis que tu tripes sur la Formule 1. Le divertissement, fille, c'est pas la culture. Je t'entends annoncer à qui veut l'entendre ta grande prestation sur Saint-Laurent devant ton grand rideau de béton gris. Je comprends que tu sois exaltée par tes nouveaux condos et que tu te sentes comme une princesse en haut de tes escaliers impériaux, mais des fois, il faudrait juste que tu prennes une douche. Puis pas dans ta fontaine à la Bellagio, une vraie douche. Une princesse pas propre, Trois-Rivières, c'est pas royal pour 2 cents. Je suis là, je vends ton passé à grands coups de nostalgie, mais pour être complètement honnête, je t'ai pas vraiment connue dans ton jeune temps. Je t'ai connue dans ma jeunesse par les Ursulines, celles qui t'ont appris à lire, ça te dit quelque chose? Je t'ai connue dans ta tunique bleue, dans ma tunique bleue, émerveillée devant le cadran solaire et la vieille église Thompson, émerveillée par cette ruelle au bord de l'eau qui ressemble à la France. Le grand Félix Leclerc t'aurait baptisé, lors du premier festival de poésie, capitale de la poésie. J'ai l'impression qu'il parle de toi dans sa chanson « Le tour de l'île ». Toi aussi, on veut te mettre en mini-jupe and speak English, mais tu vas finir comment, toi, Trois-Rivières? Quand je vois ton fleuve au bout du tunnel, tes jeunes, tes vieux, tous tes amis communautaires qui veulent bien te porter un peu sur leurs épaules, quand je vois les expositions dans les musées et les bars, que j'écoute ta musique, que je lis tes livres, quand je t'idéalise un peu, je t'imagine t'étendre dans des parcs sur le bord de l'eau, te promener piétonnière, cachée sous des arcs d'arbres, visiter ta variété, développer tes goûts dans les marchés publics. J'aimerais qu'on puisse te sentir l'air du fleuve sans trop de wayagamak et qu'on t'aperçoive florissante du plomb la violette. J'imagine les touristes arrivés de New York, Toronto et Montréal par la vieille gare ferroviaire pour visiter paisiblement tes vieux quartiers et profiter de la quiétude que tu offres entre Québec et Montréal. C'est ce que tu gagnerais à offrir, à mon avis, la tranquillité, plutôt que de pathétiquement tenter de faire la compétition aux métropoles. Je t'imagine te nourrir de la créativité de tous, des ambitions de chacun, des idées inspirantes de ta jeunesse, parce qu'il y en a beaucoup, puiser dans ton passé le meilleur de toi-même. Quand je t'imagine te débarrasser de ton make-up et rire d'un rire franc à Trois-Rivières, je me dis que t'en vaux encore la peine. C'est probablement juste une passe, ma chum. Peut-être que tu vas te réveiller le lendemain du 3 novembre devant un avenir différent. Oh, il y a un message en plus à la fin. Magnifique. Non seulement t'écris super bien, mais en plus, ben ça évidemment, je pense que tout le monde le sait et tout le monde le dit en ce moment que t'écris super bien. Mais en plus, tu lis très bien aussi. Ah, merci. Oui, bravo. J'avais la voix... Non, arrête. J'ai pas entendu une trois cœurs. Non, pas non. On aurait peut-être dû se placer 109. C'est ça. si t'entends un trois quarts de même sur ton CB, tu fais comme « Ah oui, bonjour. » Oui. Non. Tu réponds vite. Comment ouais. Ça va? C'est les Lucky Charms. C'est vrai qu'ils vont lubrifier les convaincants. C'est magiquement délicieux. Qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans pour que ça lubrifie de même? Il va être des guimauves en arc-en-ciel. Du sucre liquide. Ah, magnifique. Donc, Lily Brunet-Saint-Pierre, la plombe dans la tête. On te retrouve toutes les deux semaines ici. Et je vois pas quel commentaire on pourrait faire de plus que ça, à part dire qu'en effet, les couleurs criardes des pancartes mauve et verte. Hein. Je pense que c'est la pire, la mauve et verte. As-tu vu la mauve et verte de Très Trois-Rivières? Là? Les petites pancartes triangulaires? La mauve fluorescente et vert genre morve. Là. Non, j'ai pas porté attention. C'est vert, vraiment mauve et mauve fluorescente. C'est parce qu'il est proche de chez nous. T'es-tu daltonien, okay. Mathieu? Je sais pas. Ben, en regardant cette pancarte-là, je me le demande. Parce que qui peut admettre ces couleurs-là ensemble? Peut-être que la personne qui l'a fait était daltonienne. Ah, peut-être. Ça, ça donne le goût de le devenir. Ouais, notre grande métropole de Trois-Rivières, on la salue bien bas et on lui dit « Peux-tu faire le quoi de ta vie? » Ben, vous pouvez-vous aller voter le 3 novembre? Et voilà. Pour commencer. C'est ça. Oui. Pour tenir le message. Informez-vous et allez voter. Tout à fait. Donc, Lily Brunet-Saint-Pierre, dans Zone Campus, zonecampus.ca, aux deux semaines, les mercredis à 8h30 à Assemblage Requis. Merci. Yes, de rien. Yes. Bonne journée. Bonne journée à toi. Stéphanie? Oui. Paradis, tu voulais entendre une pièce d'Alex Nevsky? Oui. Oui, et parlant de petits triangles mauve fluorescent et vert morve, les coloriers d'Alex Nevsky, t'as. Les coloriers! Yeah! Sur CFO 89.fm. Dis-moi si j'ai tort, en lune, en année, étoilons nos corps, oublions nos vies, réécrivons l'histoire, il faut tout réinventer. Il faut se réinventer. Il faut se les coloriers d'Alex Nevsky à Assemblage Rookie. Dans quelques minutes, on va pouvoir passer à Sébastien Dulude et sa chronique Va voir hier, j'y suis. Elle nous parle de choses trash. Première partie, donc on va avoir deux chroniques sur le trash. Deux fois, la collecte va se faire deux fois, comme l'hiver aux deux semaines. Hein? Pour les poubelles, ils passent aux deux semaines. Oui. Une blague de poubelle. Ben, moi, ça passe aux semaines encore. Je suis considéré centre-ville. Monsieur, c'est centre-ville. C'est tellement le fun. Mon petit fendant. Tu peux-tu? Je sais pas, je connais pas les horaires des trucks à vidange. C'est ça. Il y a sûrement des sacs blancs, genre, parce qu'il est tellement beau. Des sacs. J'ai vu chez Canadian Tire, hey, j'anime debout. Oui, on se croirait dans une radio commerciale. Hey, hey, pour avoir plus de tennis dans les ventres. Non, c'est ça. Je m'en allais repartir. Mais j'ai vu chez Canadian Tire, t'as des sacs de. Pour pas le nommer. Des sacs de poubelles. Pas de poubelles, de feuilles. Puis t'en as trois sortes, puis ça fait comme un goaler de hockey. C'est malade, là. De devant, là. Fait que tu mets les trois, toc, toc, toc. Ça fait. Pour que les enfants jouent dans la rue, puis se fassent frapper, puis tout ça, puis là, tu t'en débarrasses. Oui, c'est ça, tu te débarrasses de tes feuilles. Tu te débarrasses de tes feuilles et de tes enfants en même temps. La collecte est-tu aux deux semaines, les enfants? C'est ça que je veux savoir. Merci, JP. De rien. Pour cette belle anecdote. C'est aparté. Savoureuse, oui. Ça fait longtemps. Non, Mathieu. Ah, ben là, tu me demandes ça de même. Je peux pas vraiment te dire non. Tu me demandes de faire une aparté. Veux-tu faire une aparté sur, mettons, sur les éboueurs, mettons? Non, j'ai trouvé mon thème. Là. OK, trouve ton propre thème. Non, je veux pas t'imposer de sujet. Là, c'est une improvisation. Donc, voici une aparté. Maudit, je voulais pas des enfants. Je préfère pour m'en débarrasser. Ah, c'est le jour de la collecte des feuilles. Je vais aller chez Canadian Tire m'acheter les fameux sacs qui font des. Ça fait des goalers de hockey. Ah ouais, c'est bon ça. C'est bon. Je vais mettre ça dans la rue. Puis là, ils vont jouer au hockey. Puis là, ils vont partir avec les feuilles. Deux problèmes réglés en même temps. Je préfère ça. Je pourrais aussi les donner. Je sais pas quoi faire avec eux. Je me demande combien il me reste de temps. Une dizaine de secondes. Une dizaine de secondes avant que les boueurs arrivent pour les feuilles. Faut que je me décide là. Non, je suis stressé. Vente de garage. Elle était cabotineuse. Et en fait, j'avais déjà fait toutes mes punches avant. Ouais, c'est ça. Ça a tout gâché. Ouais. Aussi, Nico Case et The Man. I've been c'est The Man à Assemblage requis. Et maintenant, ben tiens, on va faire ça spécial. Normalement, on parlerait à Sébastien Duluth pour sa chronique Va voir ailleurs, j'y suis. Cette fois-ci, Jean-Philippe Charbonneau va jouer le rôle de Sébastien Duluth. Donc voici Va voir ailleurs, j'y suis. Bonjour, Sébastien Duluth, entre guillemets. Entre guillemets. Bonjour, Mathieu Plante. Ça va bien? Oui, toi. Heureux de te voir en direct. D'habitude, on est préenregistré avec toi. Oui, ben écoute, de temps en temps, je peux me libérer. Là, on est juste, c'est ça. On est live. Je suis un hologramme. Oui. Donc, aujourd'hui, le thème de ta chronique, c'est trop facile. Trop facile, exactement. Donc, je vais vous lire ça du mieux que je peux. C'est sûr que c'est moi qui parle. C'est Jean-Philippe Charbonneau qui joue le rôle. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas moi qui l'a écrit, mais je vais y aller essayer de faire l'intonation comme Sébastien nous l'aurait fait en onde. Donc, j'ai toujours été un bûcheur, un type qui s'angoisse et se débat à chaque phrase. Et même les meilleurs jours, je ne fais que me traîner, ramper à plat ventre tel un homme perdu dans le désert. Le moindre mot est pour moi entouré d'arpents de silence, et lorsque j'ai enfin réussi à le tracer sur la page, il a l'air de se trouver là, comme un mirage, une particule de douce scintillante dans le sable. C'est Paul Auster qui dit ça. Okay. C'était une citation. Donc voilà, j'y vais comme ça. Un soir, je donnais un show quelque part avec mon band Noise Experimental de Ben Call Fly My... Wow! Je m'attendais pas à ça. Je pensais qu'il n'y en aurait pas des difficiles. Non, c'est ça. Mais finalement, oui. De Ben Call Fly Like an Eagle to the Sea. Like You Never Do Before. Tu te souviens? Et puis, j'ai réalisé pendant le show que je ne prenais pas ça au sérieux. J'avais fait le tour. Je jouais sur le pilote automatique pendant qu'on était supposé être le groupe le plus weird et intense de la région. Ça m'a frappé fort, ce sentiment de dilatanisme aigu. Imposture de donner un show sans conviction, alors que les musiciens talentueux qui n'ont pas l'occasion de jouer devant un public sont légion. J'ai arrêté de donner des shows de musique un bon moment après ça. Fini. Puis le feu m'est revenu. Un autre projet de Mongol s'est dessiné et j'ai sauté dedans, dessus, à pieds joints. Je me présente sur scène, des gens crient et sans crisse. Ça vient du même défi. Je m'assois derrière mon drum et je frappe. De toutes mes maudites forces, avec toute l'arrogance que ça implique. C'est un privilège extraordinaire. Comment on fait ça? Donner un show, montrer... Comment on fait ça? Donner un show, montrer son film, ses sculptures, danser devant les gens, leur lire des poèmes, faire du théâtre. Dans le contexte où une grosse moitié obèse de la population tend à penser que les subventions aux artistes sont du BS de luxe. Qu'elle se fâche si une toune ne parle pas en bien de sa ville. Puis l'autre tweet qui ça va s'excuser ensuite. Ben oui. On va aimer ça encore. Ben oui, inquiète-toi pas. Ça prend du front pour donner un show. Et de la gueule. Et des couilles. Et des bras. Et une colonne. Et du cœur. Bon, vous comprenez. Quand même, c'est significatif, toutes ces parties du corps utilisées pour décrire. Pour décrire quoi au juste? Une éthique, une façon d'être, d'incarner son œuvre, incarnée dans la chair, de façon aussi vraie que les jointures qui enflent après avoir frappé. Je ne tolère plus rien en deçà de ce critère. Je veux ressentir d'un artiste qui l'a bûché. Le résultat d'être imparfait, tant qu'il est vrai. L'art n'est pas là pour être parfait, pour fitter avec tous les meubles, pour mettre de l'ambiance. Il est là pour transmettre quelque chose de vrai, de vivant, que les lecteurs et les spectateurs ressentiront à leur tour. Ce qui ne veut pas nécessairement dire souffrir, hein? Je veux dire, pas besoin d'avoir gravé ton poème dans tes avant-bras avec une lame de rasoir ou composé ton album séquestré dans un cachot de prédateurs sexuels. C'est valable de vouloir transmettre une chose qu'une souffrance. Mais si ton œuvre coule de toi aussi facilement que le purel dans tes mains, d'une esthéticienne, non merci, j'ai pas soif. On m'a déjà assez saoulé de cette eau claire, stérile comme une rime facile. J'aimerais toutefois apporter une nuance qu'on n'entend pas assez souvent. Je pense qu'on comprend bien de mes propos qu'à ma fête, tu m'amènes voir Dominique et Martin, tu m'inscris pas aux anges de la rénovation. Si je te dis que je suis tanné de mon appart, t'invites pas mon ban à jouer dans un 5 à 7 de la chambre de commerce. Et tu demandes jamais, jamais, si j'ai déjà rencontré Raphaël Germain dans une soirée poésie. Ça, c'est clair, c'est facile. Mais voici ma nuance. Le facile cheap n'existe pas juste dans les quétaineries commerciales. Il faut savoir le reconnaître partout et être absolument intransigeant. Tu peux évoluer dans le milieu artistique les plus sacoches et rencontrer la facilité du banal et à tout moment. Tu peux devenir banal, même le trash. Même ta toune du dégueulasse à rue Ontario. Ton vidéo de fille décalissée qui french. Ton rap battle qui sonne comme un cours d'anatomie. Ton Tumblr, merci. Où tu cockslap le Père Noël de centre d'achat. Non, OK, je veux voir ça. Ton projet de performance où tu laisses entendre que tu vas kidnapper des enfants. Histoire vraie et récente. Le trash pour le trash. Le trash agace. Le trash facile. Le trash, comme le quétaine, n'est pas le problème en soi. Tout est dans l'imaginaire, la recherche, le travail. Le reste n'est que le langage et matériaux. De gros morceaux, certes, mais qui ne sont rien sans contenu. Mais si tu n'as rien à me proposer, ne compte plus sur le trash pour attirer mon attention. Dans 10 ans, 5 ans, le mois prochain, ton petit truc trash va aussi être usé qu'une sitcom de Gilles Latulippe. Ceci dit, ça m'arrive de réagir au trash, d'en être authentiquement dérangé. J'adore ça. Dans ma prochaine chronique, je vous parlerai d'une sélection de quelques morceaux trash qui valent la peine. Du trash qui marche. D'ici là, si t'as des idées à me suggérer, tu peux me les faire parvenir à sébastiendulude@commercial.gmail.com. Photo de ta snatch acceptée. Ben oui, elle était trop facile. Voilà. C'était Jean-Philippe Charbonneau dans le rôle de Sébastien Dulude. Oui. Et la chronique Va voir, j'y suis, intitulée Trop facile. On te ou le retrouve dans deux semaines. C'est les mercredis à 8h45. Il se met à Assemblage requis. Vous pouvez lire son plus récent article dans le journal Zone Campus. Disponible en kiosque maintenant et sur zonecampus.ca. Zonecampus.ca. Oui, monsieur. Voilà. Point snatch. J'espère que je suis pas la seule à y avoir envoyé la photo, sinon il va me replacer. Surtout que ton nom est écrit dans ton courriel. Elle s'est fait tatouer son propre nom sur sa propre chemise. Voyons, oui. j'ai envoyé ça du courriel de rédaction. C'est inaperçu. Au nom du Zone Campus, oui. Outrage. On s'est fait hacker. Ah! On s'est fait snatcher. Wow. Oui. Au retour, la chronique sexe, mais ça devrait pas, on l'a, mais pour l'instant, on prend une petite pause. Restez. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Toujours à Assemblage requis en cette belle journée, en ce beau matin quelconque. Jean-Philippe Charbonneau est là. J'ai le nez sec. Oui, et les lèvres sèches. La snatch, par contre, va à merveille. Ça, c'est parfaitement, parfaitement la correct. Humide. Mathieu Plante est là. Et Stéphanie Paradis est avec nous. Je parle sans cesse de ça. De nez sec. Donner sa caisse. C'est drôle parce que Jean-Philippe se grattait le nez, mais d'un heure. Ben, je sais quand même. Il faisait du air gratting, genre, dans sort les. Non, mais sort les doigts, genre. Mais qu'est-ce qu'on fait? Je faisais la bouche pour un, pour essayer. J'avais le picotement du nez. Faut-toi contre le micro, ils sont merveilleux. Ça va être le fun pour la prochaine émission. Oh. Crème, hein? Pis c'était pas sa face. On écoute une nouvelle entrée du palmarès francophone. Voici Pendentif et la pièce Panache. À ne pas confondre avec le groupe Panache et la pièce qui s'appelle Pas Pendentif. Pas Pendentif. Ouais, ça aurait été mêlant. Se passer quelque chose, il avait dû se passer quelque chose, oh yeah. Passer les fenêtres, passer le nouveau monde. Marcher dans les rues lorsque tu s'illumines. Au dehors, les maisons sont les mêmes, et tout on n'est pas un problème. Coup de feu, au coup de feu. et je danse. Entre croustade et croûté, dépendant si on parle de tarte aux pommes ou d'autres choses. D'autres choses dont on a parlé précédemment et qu'on ne ramènera pas sur le tapis. Tapis qui est un autre tapis. Euphémisme pour l'entre-genre. T'es dégueulasse, ouais, juste, Mathieu, excuse-moi. Honnêtement. Là. Ouais, mais les gens des jeunes, hein? Ben, ils sont tout Ben, c'est ton toupette. J'ai le toupette dans le front. J'ai le toupette dans le front. C'est là qu'il va. C'est là qu'il va habituellement. T'as bien du front. Il me dit quoi, t'as une petite. C'est vrai qu'il y a un grand front. Essaie d'affronter ça. Affronter! Moi aussi, j'avais un grand front. Non. Comme j'avais pas assez de complexe de même. Voyons donc. Non, mais t'as vraiment un gros buzzer. Sur mon chandail de Mario Bros. Oui! Oui, j'ai un gros buzzer. Avec une corne. Oui. Ah. Et des verrues. Je sais pas, là, moi, ça me. Ce matin, là, c'est ça. C'est Halloween, je déguise mon buzzer. Hein. Une blague de. Ok. D'autres gens. Ah. Voici, ça existe, mais ça ne devrait pas. Oui. Oh là, aucun lien à faire avec ça. Ready? Et c'est la collègue de tout le monde qui aime dépenser de l'argent pour des choses inutiles. Moi, moi! Stéphanie, moi, Jean-Philippe. Moi aussi. Moi. Et peut-être vous aussi, à la maison, dans la voiture, toi, au toi, lit. Toi et toi. Lit. Oui. Commençons par les gadgets d'Halloween. Ben, en fait, c'est vraiment pas des gadgets parce que gadget, ça devrait avoir du courant électrique, je m'imagine, quelque part là-dedans. Et ici, c'est une chandelle. J'ai dit chandelle rose qui, lorsqu'elle brûle, révèle le squelette métallisé d'un chat. C'est le Devil's Pet, une chandelle de Thorin Arnadottir. Donc, c'est ça. C'est Thorin qui prévoit lancer un Kickstarter bientôt pour pouvoir vendre ces chandelles-là bientôt. Non, mais j'en veux une maintenant. Ben, c'est cool. C'est très cool, mais pourquoi ils ont pris de la cire rose? Ben, un chat à l'intérieur, c'est son intérieur est rose en dessous du poil. Là. Tu le suis qu'il y a du poil autour pour qu'elle soit grise ou bleu. Tu l'allumes, ça fait et ça sent le chat mort. Dégrasse. Ensuite, toujours pour l'Halloween et toujours pour les chats, c'est les mêmes fabricants que la Inflatable Unicorn Horn for Cats. Ça, c'était la corne de licorne. Ici, ils font des Inflatable Evil Unicorn Horn pour chat, donc c'est un licorne diabolique. Oh, ce qui est génial, là. T'as-tu fini l'explication? Ben oui, non, vas-y. Oui, vas-y. Ce qui est génial, c'est que sur l'emballage, c'est marqué que les chats l'adorent tellement. Tu sais, c'est sûr que non, là. Non, non. Ben j'imagine non. Juste mon chat avec ça, puis il va être comme, hey, là, qu'est-ce que tu me fais faire, là? Oui, je t'ai abusé ta corde. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais right. Ma belle-sœur a déjà mis un petit costume à son chat, oui. Mais lui, quand tu lui mets quelque chose sur le dos, il se laisse tomber sur le côté, les pattes comme toutes droites, puis il fait vraiment pouf. Il fait le mort. C'est clair qu'il fait le mort avec ça sur la tête, là. C'est trop cute. Sur Amazon, ça coûte 8$ environ. Ouais. Et il en reste. Oui, j'ai vérifié. Ensuite. C'est un concept, celui-là, on peut pas l'acheter. C'est un haut-parleur pour la fenêtre qui annule le son extérieur. Un peu comme Jean-Philippe, tu te rappelles, avant de te les faire voler, tes écouteurs Bose. Oui. Qui c'est ça que j'ai en ce moment. C'était quoi l'ancienne marque? Dr. Dre. Oui, c'était, oui, venait avec mon Beats by Dre, c'est ça. Ouais. Donc, les Bose, il y en a qui vont annuler les sons extérieurs, externes. Donc, évidemment, vous connaissez le principe du noise cancelling. C'est que ça écoute le bruit ambiant et ça génère une wave inversée qui va annuler le son autant que possible. Et bien, on pourrait amener le même principe à la maison. Donc, c'est des sonos. C'est un appareil qu'on colle à la fenêtre. C'est à l'extérieur. Est-ce que c'est à l'extérieur? Non, on l'applique juste aux fenêtres. Je pense que c'est à l'intérieur. Ça écoute ce qui se passe à l'extérieur et ça utilise la fenêtre au complet comme haut-parleur pour envoyer une wave inversée et, espérons-le, annuler le son. C'est un finaliste pour les James Dyson Award. J'imagine que les James Dyson, c'est le gars qui a inventé les aspirateurs Dyson, j'imagine. Et si tout va bien, un jour, on pourrait donc avoir ça à la maison. C'est cool, hein? Oui. C'est cool, mais il faut que tes murs soient bien insonorisés, sinon ça fait rien, finalement. Ouais. Il y a ça. Et j'ai confirmé que James Dyson est bien le président fondateur de la société Dyson avec les aspirateurs. C'est lui à la TV qui dit que ça continue de sucer pendant l'éternité. Et tout le monde trouve ça bien drôle. Ensuite, c'est une tente. En fait, c'est une luggage rack tent. Une tente qu'on monte sur son camion, son utilitaire là, sport. Là, tu parles d'une tente en tissu. Bon, à toute température. Et là, on parle encore de la... OK. Donc, c'est ARB Simpson 3 Rooftop Tent pour camper n'importe où. Une tente qui se démonte, se déplie en quelques minutes sur le toit de votre camion. Et c'est, il y a même une échelle en aluminium rétractable, je pense qu'on dit, pour pouvoir grimper et pour ensuite soutenir la tente. Et puis, on peut camper donc facilement au-dessus du sol en se protégeant des éléments, pas de boîte à avoir. Il y a un matelas de mousse built-in, donc inclus directement là-dedans. Il y a des portes à screen et la porte aussi. La porte et les fenêtres à screen. Et c'est couvert de matériaux à l'épreuve de l'eau. Tu peux même écouter ta petite toune avant de te coucher avec ta radio de char. Ah oui, hein? Oui. Aller au ciné-parc. Oui. Écouter des films. Pas déranger personne. C'est ça. C'est sur le toit de... C'est génial. Oui. Dans le même genre de domaine, c'est un compact camper qui entre dans le... Tu sais, en arrière d'un truck, là, genre... Dans la boîte. C'est à peu près ça. Donc, c'est Garrett Finney qui travaillait à la NASA et qui a construit cet appareil-là. Donc, c'est le Firefly que ça s'appelle. Et puis, ça entre, comme on dit, dans le bac d'un truck. Et puis, sinon, d'un petit genre de trailer, ça pourrait fonctionner là-dedans aussi. C'est construit en aluminium et en EPS foam. Ça pèse environ 600 livres. Donc, même les véhicules légers peuvent transporter ça. Et l'intérieur est tout petit, bien sûr, mais pas besoin de plus que ça. On peut mettre son équipement en dessous du lit. Tout ça se plie pour faire un bas et une table, comme on le voit dans la photo. C'est un petit peu difficile à expliquer comme ça avec ma voix. Et il y a même une petite fenêtre pour pouvoir regarder l'environnement autour. Donc, c'est vraiment comme un genre de petit... comment dire, un fifouille ou une affaire... comment t'appelles ça? Un Winnebago. Un Winnebago, merci. Ben, je trouve ça, c'est petit quand même. Là. Ouais, je faut pas être claustrophobe. Non. Non, mais mettons, Mathieu, toi, qui est grand, de partout, je sais pas si tu rentrerais là-dedans. Je pourrais rentrer quelque comme, chose. Mais... Oui, mais comme tes pieds, je pense qu'il dépasserait. Sûrement mes petits orteils. Non, mais c'est quand même une bonne idée d'avoir un Winnebago ajouté à son truck qu'on a déjà son petit camion, son 4x4, mais bon, pourquoi pas, quand même. Ensuite, on a déjà parlé de ça, mais je voulais le rappeler pour aller avec le prochain gadget. C'est les Shittins. Est-ce que vous vous rappelez des Shittins? C'est serviettes pour la main. Un peu comme des serviettes humides qu'on utilise après être allé aux toilettes, mais c'est une mitaine, donc t'insères ta main là-dedans. Et la seule critique sur Amazon dit « Mes fesses sont trop grosses ». Donc, je finis avec des besoins sur ma main et mes jointures et mon poignet. Donc, ça, c'est les shit-ins. Ouais. Sur Amazon, ça coûte 15$ pour un emballage de, je sais pas combien, mais quand même 15$ l'emballage. Et ça va très bien avec le Polaroll, qui est un distributeur de rouleaux de papier de toilette, mais en Polaroid, en appareil photo. Donc, c'est le Polaroid Land 1000, qui en fait, c'est le modèle qui a inspiré ce distributeur à papier de toilette. Donc, vous mettez le Polaroid Roll sur votre toilette, vous l'accrochez sur le mur, vous mettez du papier de toilette et vous faites vos affaires. C'est disponible chez Do It Yourself Design, pour 28$ américains, et le papier de toilette est vendu séparément. Ouais, mais il n'y a personne qui va avoir le goût de changer le rouleau de papier de toilette. Déjà que c'est super facile à faire juste de rentrer le petit bidule rond. Là, il faudrait que tu ouvres ça et que tu mettes le rouleau. Oublie ça, là, va tout être vide. Là. J'avoue. Mais il faut tout le temps... Non, faut que tu le laisses plein parce que c'est beau. Il faut pas que tu t'en serves. Tu mets ça sur le mur comme un cadre. Ben oui. Ça ressemble à un appareil. En face de toi. C'est ça. Et c'est vrai, le papier de toilette ressemble à l'appareil, à la photo qui sortirait de l'appareil. Ensuite de ça, vous voulez faire de la pâte à pizza, mettons, ou pour une tarte, etc. Et vous voulez, vous avez pas de talent avec le rouleau à pâte. Vous finissez par avec une pâte qui est pas ronde, ouais, et pas symétrique. Donc, c'est un sac à zipper, le pie crust bag, qui va s'assurer que votre croûte de tarte ou de pizza soit en forme parfaite à chaque fois. Vous mettez la pâte à l'intérieur de ce sac transparent. Vous sortez votre rouleau à pâte et ça va faire un diamètre entre 10 et 14 pouces sans aucun dégât. Ouais. Elle est même pas belle, sa photo. Non, hein? Non, elle est juste forcée. ensuite de ça, les produits au bacon, il y en a un million. Hein, tout le monde connaît ça. Est-ce que vous connaissiez la crème rasée au bacon? Ah, misère noire. Misère noire. Misère noire. Pas mal tout ce qu'il y a à dire. C'est la compagnie JD's. Et puis, vous pouvez maintenant l'acheter sur Internet. Le lien sur assemblagerequipe.com. Ensuite, on a besoin de flasher dans la vie. C'est pas assez d'avoir un iPhone 5S doré. Il faut aussi avoir ses chest bras, ouais, et sa soutane orange pour flasher. Et bien, si vous n'avez pas les muscles pour aller avec, il faut le muscle shirt. Tu sais, les filles ont des push-up bras, ont des implants mammaires, des faux cils, des extensions de cheveux, des faux ongles. Donc, c'est le Funky Bud. Toutes les filles ont ça. Là, c'est bien connu. C'est le Funky Bud Undershirt. Et puis, c'est ça, ça a des pads genre stratégiquement placés pour avoir l'air de muscles. On porte ça en dessous d'un chandail pour donner l'impression d'avoir plus de viande sur l'os. Non, je m'excuse, ça a juste l'air des gros totons pas beaux. On dirait que c'est une radiographie de leur poumon. Ah! T'en as pour l'épaule, triceps pectoraux et des affaires comme mais ça. Parce qu'idéalement, ça te prend quitte au parce que si t'as juste les pectoraux et t'as des petits bras, ils vont vraiment juste penser que t'as des seins. Exactement, comme moi. 46$ pour l'ensemble. Franchement. En fait, pour l'ensemble, je sais même pas si c'est juste pour un, mais je m'en fous un peu. Ensuite, quand vous êtes au travail, votre chat a besoin de compagnie et vous avez besoin de votre chat pour passer à travers la journée. Oui! Tellement. Donc, c'est le Pet Chat, mais chat avec un Z. C'est un système de conférence vidéo à double sens pour les animaux de compagnie. Donc, évidemment, chat ou chien. Vous pouvez l'appeler avec un petit bruit spécial. Il va y avoir un genre de bip-bip spécial et une odeur particulière. Une fois qu'il va être devant l'écran, vous allez pouvoir le voir. Lui, vous va vous voir, etc. Et vous allez pouvoir parler pendant un bout. Après ça, vous appuyez sur un bouton à distance et ça lui donne un petit bonbon pour chat. Ça coûte 350$. Oh, ça a déchanté vite, ça. Moi, je dis que mon chat, il t'offre pas plus que genre 30 secondes quand il va passer devant. Pour de vrai, c'est sûr que ça arrive pas, là. Ah, oh, je le sais pas. J'en veux un. Est-ce qu'on se cotise pour l'installation? Puis ça va aller avec notre chat mascotte qui s'en vient. Avec le prochain logo, ça va être un chat. Évidemment. Ça va être un chat, oui. Un chat de radio. Chafou. Un petit chafou. On a parlé il y a quelques semaines du truc qui faisait refroidir les boissons dans la glace en le faisant tourner, oui, avec une drille. Il y avait un embout qu'on pouvait ajouter. Et les gens disaient que ça fonctionnait bien. Et bien maintenant, il y a un autre système, c'est le Vitex. C'est plus commercial. Et c'est comme, ça ressemble à un micro-ondes. Et ça prend n'importe quelle boisson à température pièce. Et ça la refroidit jusqu'à 5 degrés Celsius, 41 degrés Fahrenheit, en 0,7 minutes environ. Tirant profit d'un système de vortex créé par le liquide dans le contenant. Et en manipulant ce contenant sur différents axes. Différentes axes, je crois que c'est filmé. Avec cette action-là, bref, la compagnie a développé une machine qui peut être utilisée à n'importe quel point de vente. Donc, un bar pourrait se procurer le Vitex et refroidir la boisson d'un client en quelques secondes. Et tu économises dans l'électricité aussi. Il y a plein de détails techniques là-dessus. Ça peut se faire en moins de 10 secondes et donc le Vitex pourrait être utilisé dans un environnement à haut volume comme un bar. Ça accepte aussi les bouteilles de vin et d'autres contenants. Et le consortium Rapid Cool qui fabrique le Vitex, c'est un consortium multinational. Bref, c'est a signé un contrat avec plusieurs compagnies de breuvage. Contrat qui vaut des milliards de dollars pour la distribution et le marketing initial qui va commencer aux Pays-Bas à la fin du mois d'octobre, donc dans les prochains là, présentement. Donc, on devrait retrouver ça aux Pays-Bas, donc éventuellement aux États-Unis et éventuellement dans 5-6 ans au Québec. C'est cool quand même. J'en quand veux même. Un chez nous. Ouais, c'est vraiment cool. Ça doit coûter cher. C'est cool. Hey, on a pas mal l'idée de c'est qui les compagnies hein, dans le petit vidéo promo. Ouais. Mais bon. Ah! Ce sera à boire avec... Ouais, je sais pas si tu vas pouvoir arriver au bar. Ça va juste être commandité. Genre un peu comme un frigidaire de Red Bull ou peu importe. T'auras pas que du Red Bull dedans dans les bars. C'est juste l'image de la chose. Exact. Ensuite de ça, tiens, Ouija, comment est-ce qu'on dit ça en français? Ouija. Ouais, mais c'est ça. Ça se dit Ouija, man. Ouais, mais en anglais, ils disent Ouija. Ben, c'est Ouija. Je sais, mais j'écoute trop tes ventes en anglais. Ça, c'est Wedgie. C'est Ultimate Wedgie. Atomic Wedgie. Bref, peu importe, c'est une table Ouija, avec un tapis Ouija. C'est malade. C'est génial. Donc, sur le tapis, t'as évidemment les lettres, l'alphabet, les chiffres. T'as goodbye, t'as oui, puis t'as non. Comme sur les planches normales. J'aurais quand même vraiment peur que ma table se promène. Ouais. Ben, si t'as pas Chantal Lacroix dans ton salon, ça devrait être correct. Ça va bien aller. Donc, ta table, évidemment, ouais, c'était facile. Une vitre. Et donc, les gens vont se mettre là-dessus. Chantal va bouger la table un petit peu avec ses pattes. Bien, oui, donc. Va donner des lettres. Ça va être super. C'est imaginé par Dave DeLille de chez Dave's Geek Ideas. C'est un concept, donc on peut pas l'acheter, malheureusement. Ensuite, une brassière qui tweet aussitôt qu'elle est enlevée. N'est-ce pas une bonne idée? C'est la tweeting bra, non? Ben c'est ça. Qu'est-ce que ça tweet? On ne sait pas vraiment. On dit que l'idée est bizarre, mais c'est techniquement pour une bonne cause, pour promouvoir, dans le fond, pas promouvoir le cancer du sein, mais... Go cancer du sein! Go cancer du sein! C'est pour, évidemment, promouvoir l'idée de... Go gadget au cocktail. C'est ça, de se faire, faire un examen. Et quand tu défais la brassière, ça tweet. Il n'y a rien à dire de plus. Ensuite... On a tous des figurines de Lego en quelque part dans un tiroir ou dans un garde-robe, mais pas de place pour les mettre en évidence. Si on pouvait la mettre sur notre doigt, c'est génial. Pour vrai, c'est une bague avec dessus juste deux petits points sur lesquels mettre une figurine de Lego ou n'importe quelle affaire. Tu peux mettre un... Je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme... ces affaires qui ont juste deux points. Tu peux changer la couleur dessus. Je trouve ça génial. Tu pourrais vraiment mettre les petits points ronds, on le voit sur la photo, les petits points ronds fluorescents. Donc, tu pourrais changer le dessus à chaque jour, mettre un rouge, un jaune. C'est beau! Là, je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, là, j'ai vraiment le goût de jouer au Lego. Il faudrait faire un spécial Lego à Assemblage Reiki. Mission vraiment matinale en pièces détachées complètement, puis tu la montes. Cool. Ce serait hot. Ouais, ce serait cool. Ouais. Donc, allez voir le lien sur assemblagereiki.com. Et puis, c'est ça. C'est à peu près ça. Est-ce que les prix? Oui. C'est, tu peux les avoir entre 8 et 13 pour la grandeur de la bague. Et ça coûte entre 44 et 146 $ américains, dépendant du matériau, parce que tu peux l'avoir en acier inoxydable, argent sterling, plaqué or. Ta bague. Voilà. Cool. Ensuite, concept pour les gens qui travaillent dans un magasin à grande surface où on doit scanner des articles. Par exemple, à l'épicerie. Enfin, bon, je sais pas comment tu fais pour travailler à l'épicerie avec les bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, sans cesse. Je peux pas croire ça. Ou encore pire, ceux qui disent « Veuillez passer à la caisse 5 de... » On dirait qu'ils sont russes quand ils parlent. Bref, les caissières ou les caissiers doivent passer les articles sur un scanner de code-barre. Et bien ici, le concept est d'avoir un scanner sur le doigt. Hein? Donc, c'est le Finger Scanner par Siokmin Kang. Et puis, c'est un concept qui, dans le fond, amène le scanner au complet dans un petit appareil pour porter sur l'index. Et puis, l'utilisateur a juste à scanner son doigt sur le code-barre. Et voilà, c'est terminé. Ce n'est qu'un concept pour l'instant, mais on s'imagine qu'un jour, ça va être la réalité parce que la science derrière, la technologie derrière, peut-être pas la science, est là. Cool. Ah, ouais, cool. Ensuite, on se rappelle tous, quand on était plus jeune à l'école... Les spitballs. Oui. C'est quand tu mâchouillais du Kleenex ou papier de toilette et que tu, avec une paille, tu l'envoyais dans les cheveux de quelqu'un qui avait les cheveux plutôt... C'était tout le temps les personnes qui avaient les cheveux frisés. Ça pognait mieux, on dirait. Non, ouais, nous autres, on avait fait une compétition. C'était le premier qui pognait l'horloge sans que le prof s'en rende compte. OK. Génial même, c'est bon ça. En fait, tu sais, c'est un remplaçant. C'est toujours un remplaçant. Mais elle a jamais rien dit. Il y avait du papier mâché partout. Puis là, ben, on s'est fait vraiment chicaner quand finalement on a eu un cours avec ce prof-là. Mais on s'en foutait. On a comme perdu 15 minutes de notre cours d'économie parce que le prof nous a comme sermonné. On était comme, oh ouais, continue cours. Bref. Le papier mâché, c'est génial. Ben, c'est ça. On voyait plus l'heure. Non, et maintenant, il y a un nouveau genre de fusil à spitball. Donc, c'est le WADS, qui est un crayon, un stylo avec un lanceur de spitball. Boule, comment on appelle ça en français, des spitballs? Papier mâché. Boule de papier mâché. Mm-hmm. Donc, évidemment, ça pourrait être amusant pour pas mal n'importe qui parce que, bon, c'est pour présenter aux enfants, pour les introduire au concept de la vitesse, l'accélération et de la trajectoire parce qu'on dit qu'une balle boule de papier mâché doit être lancée à un angle de 45 degrés et puis tomber à 3 mètres au même niveau. Donc, il y a comme une formule mathématique et ça va apprendre aux enfants, un peu comme Angry Birds le fait, comment lancer quelque chose de façon efficace. Donc, WADS a été créé par Ash Gilpin, qui est obsédé par les boules de papier mâché depuis qu'il était petit enfant. On dit que l'empire WADS va prendre une expansion avec les années parce qu'il va faire un jeu interactif qui s'appelle WADBoard plus tard. Et si vous aimez ce qu'il fait avec son crayon lanceur de boules de papier mâché, vous pouvez aller mettre de l'argent sur son Kickstarter, 10$ américains. Pour avoir ce produit-là, le crayon stylo WADS. What's up? Et finalement, oui, on s'appelle en retour vers le futur, la super hoverboard de Marty McFly. Eh bien, on peut se procurer quelque chose qui ressemble à ça, mais qui n'est pas exactement ça. C'est la Z-board. Voilà. Qui fonctionne via électricité. On peut donc glisser dans les rues, un peu comme un hover, mais pas littéralement. Et puis, tout ce qu'on a à faire, c'est un peu comme un... Comment t'appelles ça? Voyons, le véhicule sur deux roues. Un Segway, merci. Quand même. Je sais pas pourquoi je le trouvais pas. Bref, tu te penches par en avant, ça avance. Tu te recules, ça arrête. Il y a une vitesse maximale de 18 000 à l'heure. Ça charge... chaque charge dure 20 000. Et puis, tu dois le brancher pendant 5 à 7 heures pour le recharger complètement. Et puis, ça peut être à vous pour seulement 1 500$. Et ce qui est le fun avec le Z-Board, c'est que l'argent au complet va à la fondation Michael J. Fox pour le Parkinson. L'information sur Indiegogo, avant que ça se termine, c'est dans quelques jours. Donc, si on va sur Indiegogo, voir s'ils sont rendus à leur but. Attention. 3 500$ américains sur 5 000. Il reste 16 jours. Je pense que ça va se rendre. Et comme on disait, c'est pour une œuvre de bienfaisance. C'est la Z-Board. Je trouve ça très cool. Malade, on en veut tous un. Oui. Mais la vidéo est un peu perturbante, par exemple. Ouais, quand même. J'aurais fait une meilleure vidéo. Mais... Racontez donc, qu'est-ce qu'il y a dans la vidéo, non? Ça prend 1 minute 29 avant qu'on voit le Z-Board. Ah, oui. Ils font comme une mise en scène. C'est sûr que peut-être qu'on n'avait pas le son. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? C'est en noir et blanc et des X-Rose. Non, c'est une reconstitution de Back to the Future. Ah, avec des acteurs de talent. Exactement. Voilà. Donc, c'est tout pour ça existe, mais ça devrait pas. On l'a, plein de choses à acheter. La carte de crédit va être loadée comme toujours. Tout le temps. On est affamé de gadgets à acheter, un peu comme Violette Pie est affamée par rapport à leur princesse carnivore, style genre. Genre. Princesse carnivore, Violette Pie, right now. Mais après ça, on revient. Okay. D'accord. À bientôt. Même si tu es sublime, même si tu es mon sentiment préféré, je ne peux plus te voir, je ne peux plus te voir. Même si tu as mis ta petite robe d'été, il y a des fleurs partout par terre, il y a des fleurs partout sur ta robe. Mais je ne rebrousserai plus jamais ton sentier, mais je ne rebrousserai plus jamais ton sentier. Il y a des fleurs partout par terre, il y a des fleurs partout sur ta robe. Mais je ne rebrousserai plus jamais ton sentier, mais je ne rebrousserai plus jamais ton sentier. Les pieds dans le sable, le soleil jaune d'un dos, rien ne pourrait être plus beau. Ton sourire plein d'émail et ton chapeau de paille, rien ne pourrait être plus beau que toi. Partout par terre, il y a du steak partout sur ta robe. Tu es une fleur carnivore, je suis une fleur carnivore. Même si tu es belle, même si tu es sublime, même si tu es mon sentiment préféré, je ne peux plus te voir, je ne peux plus te voir. Même si tu as mis ta petite robe d'été, je ne peux plus te voir, je ne peux plus te voir, je ne peux plus te voir, te voir, te voir, te voir, te voir. Tu es une fleur carnivore, je suis une fleur carnivore. Même si tu es belle, même si tu es sublime, même si tu es mon sentiment préféré, je ne peux plus te voir, je ne peux plus te voir. Même si tu as mis ta petite robe d'été, je ne peux plus te voir, je ne peux plus te voir, je ne peux plus te voir, te voir, te voir, te voir, te voir, te voir. plus beau. Il y a du steak partout par terre, il y a du sang partout sur ta robe. Carnivore, carnivore, carnivore. Parararap, c'est carnivore. De Violette P. Mm-hmm, et c'est là-dessus que se termine une autre édition d'Assemblage Requis. Oui! Oui! On remercie Ingrid Arneberg. Oui, chronique très intéressante ce matin. Mm-hmm, on remercie Stéphanie Paradis. Troisième fois. Mais fallait que je le fasse une troisième fois. Oui, je pense qu'il fait exprès. En fait, on te l'a pas dit, hein. Mais ce matin, quand on est rentré hors d'onde, j'ai dit à Mathieu, t'es pas game de jamais ouvrir le micro à ses C'est ça. Tu vois. Fait que c'était de ma faute. Drôle, hein. Ben, j'en reviens plus de bord. Ça ou encore, j'ai un trouble obsessif-compulsif qu'il faut que je fasse tout trois fois. Ça où j'ai un trouble obsessif compulsif, il faut que je fasse tout trois fois. Ça où j'ai... Okay, la blague était longue, était vraiment longue. Hein. Mais ça, au deuxième coup, je l'ai comprise. OK. Wow, attends, bon. T'aurais dû la pousser, c'est pas grave. On remercie Billy Brune de Saint-Pierre. Chronique très intéressante aussi. Fort intéressante, oui. Fort intéressante et fort intéressante. Oui. Et on remercie Sébastien Dulude via ton talent vocal. Oui, inégalé. Via ton corps. Via mon corps. Demain, l'émission, Justine Renaud et sa chronique sur un autre album important pour elle, Justine aux platines. David Ferron qui va venir une fois de plus mettre la langue dans ton oreille. François André va être là comme le veut la tradition pour discuter de politique dans l'Ocratie 101 et on va se tenir au courant des sorties à faire avec Joanie Gagnon et sa chronique Alors on sort. Oui, monsieur. C'est demain entre 6h30 et 9h30, toujours en direct à partir de 7h30. Restez là parce que dans quelques minutes, tout à l'heure à 10h, ce sera Les Belles et les Bêtes. Oui. Ensuite de ça, c'est à 11h le dîner de con avec Danny Janvier. À 15. Excuse-moi, on n'est pas le bon jour. C'est me semblait aussi, on n'est pas jeudi. Je sais bien. Ah, est-ce que je refais l'erreur trois fois ou ça va être correct? Non, mais fais la bonne version trois fois. Ça fait pas comme deux semaines de suite que je fais l'erreur du jeudi, le mercredi? Je pense que pas, moi, c'est hier que je pensais qu'on était jeudi. Ça va pas bien. Comment ma semaine est longue. Si seulement on avait une horloge qui dit le jour en trois grosses lettres M-E-R, mère, ça le dit. Mère, mère. Oh, il arrête seul, J'espère tellement bon. Oui, oui. Ouch! OK. Est-ce que tu t'es fait mal? Non. OK. T'as fait mal à notre cerveau avec ces blagues-là? Oui, je pense que oui. À 10h, donc prise 2, ce sera Les Précieuses Ridicules en rappel. À 11h, c'est Disney le con, comme on l'a dit. À 13h, c'est Les Filles de con d'être ensemble pour tout savoir sur la périnatalité. À 14h, le voyage des solides et la vie en mauve en rappel. À 16h, je serai de retour avec Marie-Ève Picard pour le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. À 17h, c'est les palmarès et positions top 5 avec Stéphanie Paradis et moi. OK, oui. À 19h, c'est Rap Fusion. Et c'est à peu près ça. Allez voir cif.ca pour la programmation complète. Et assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balados de Fusion. Incroyable! On est sur Facebook. Puis Twitter. Oui. Puis pas Instagram. Pas encore. Ça sert absolument à rien pour nous autres. Qu'est-ce qu'on ferait avec un Instagram? On pourrait se prendre en photo comme ça? Des selfies avec des bouches à cadavres? Oui. Fais-moi pas te forcer à te faire une aparté de ah non qui se fait un selfie parce que non on fait pas ça non demain peut-être. OK, j'ai essayé de la préparer pour demain. Parfait, on se quitte avec une nouvelle entrée du palmarès francophone. C'est David et c'est David et c'est bois. Ah oui, c'est ça, les bois. C'est Feu Follet, pas oui. David Ferron. Ça serait horrible, un album de David Ferron. David et c'est Ferron, ou David et c'est Ferron. Voilà, Feu Follet. Avec tous ses frères et sœurs, si à moi. Ah, on en parlera quand ce sera là demain. Oui, sinon on te salue, David. Bonne journée à tout le monde. Ciao! Bye! Wow! Bientôt tu seras ici.